bonsoir, bon appétit, vous êtes à table. Bienvenue dans le numéro 9 du BGS avec bravo, Rémi. Bravo, bravo. Merci, merci. Applaudis. Merci. Avec Rémi autour de la table, l'ancienne formule, à savoir en face de moi, 130 kilos de muscles. Je l'ai nommé Stetson. Ah non, c'est Stetson qui fait 130 kilos, c'est pas moi. Oui, mais de muscles. Ah oui, c'est vrai. Kirby. Bonsoir. Bonsoir ou bonjour, il est 16h. Oui, moi j'ai toujours bonsoir. Stetson. Bonsoir. Bonsoir. Alors, lui, il fait pas 130 kilos de muscles ou non? Non. Ça va, d'accord. Alors, au sommaire de cette édition, nouvelle formule comme la dernière fois, les news, un petit retour sur les news de l'émission précédente parce qu'il y a eu du neuf, un débat sur le thème... Qu'est-ce qu'un film culte? Qu'est-ce qu'une œuvre culte? Une œuvre culte, on va voir large. Ouais, on va voir large. Je pense qu'il y a de quoi dire. Et enfin, comme d'habitude, le petit défi que Stetson m'avait lancé la dernière fois, qui était de regarder Deadliest Catch. On verra si cela a été fait, si l'essai est concluant, si l'essai a été transformé. Voilà, l'essai transformé ou pas. Et... par la suite, je lancerai moi-même un petit défi à un de ces deux messieurs. Si tu as réussi. Uniquement si tu as réussi. Si j'ai réussi. Vu la manière dont il en parle, je pense qu'il a réussi. Je pense aussi, oui. Je crois avoir eu vent de certaines rumeurs qui disaient que... Réussir n'était pas compliqué, vu que c'était quand même jamais qu'on regardait 2-3 épisodes. Mais oui, c'est réussi. Oula, il le révèle comme ça de but en blanc, ça y est, il n'attend pas la fin. Regarder 2-3 épisodes. Pas de surprise, on le révèle. Pas de surprise. Je ne voulais quand même pas me priver du plaisir de... relancer un défi, par la suite. N'est-ce pas? Donc voilà. On est bon pour le sommaire. Alors, nous passons directement maintenant aux news. C'est parti pour le BGS 9. Après ce magnifique jingle que nous venons d'entendre, nous allons passer aux news. Alors avant de faire notre petite news habituelle, on va faire un rapide retour sur l'épisode précédent, zip, on verra derrière, sur le BGS numéro 8, où chacun d'entre nous présentait une news, et on a chacun un petit peu de neuf, donc. Auparavant avec ta news. Oh, excusez-moi, j'ai un peu chaud, il fait émouvant dans cette pièce où on enregistre. C'est un sauna en fait. Hein, ouais. Voilà, il doit y avoir une odeur de fauve dans le coin. Oui. Donc bref, on va faire un retour rapide sur nos trois news pour expliquer un peu les derniers rebondissements et dernières nouveautés avant de passer aux news de ce numéro. Bah, chauffe, puisque tu prends la parole pour des âneries, vas-y, dis-nous ce qu'il y a de nouveau sur ta news de la dernière fois où tu nous avais parlé de Spartacus et de Walking Dead. Oui, surtout de Walking Dead. Spartacus, il n'y a rien de spécial. Non, je ne vais pas spécialement regarder. De toute façon, mais c'était de la merde. J'avais parlé d'un petit teaser de la saison 2 de Walking Dead dans le BGS numéro 8 en précisant bien qu'il y aurait plus d'infos lors de la Comic-Con de San Diego qui justement avait commencé le jour de l'enregistrement du numéro 8. Et effectivement, donc AMC a dévoilé une bande-annonce de la saison 2 ce jour-là qui ne fait plus une minute cette fois-ci mais qui fait 4 bonnes minutes, quasiment 5 je crois. Donc c'est un peu difficile de se retrouver dedans parce que je pense qu'il y a des images des deux premières saisons qui sont mêlées, mais d'après ce que j'ai furtivement cru percevoir, il y aurait bel et bien des épisodes ou en tout cas des scènes qui se passent dans le ranch et dans la prison. Donc, dans la prison. Ben, le ranch, je suis certain, mais la prison, c'était vraiment une seule image. Vraiment d'une seconde, il y avait des grillages et plein de zombies derrière, je ne sais pas si c'était la prison, j'ai cru comprendre que oui, mais pas certain, donc on verra, mais a priori, bonne nouvelle. J'espère qu'ils vont revenir sur la trame des comics. Oui, j'espère, franchement. Ce serait une très bonne nouvelle. Ouais, je trouve aussi. Bien, merci pour ce petit retour. Stetson, tu nous avais parlé de Breaking Bad, il y a un peu de nouveau, parce que j'ai cru voir. Ouais, ben ils ont conclu un deal pour... quelques soucis avec la chaîne. Oui, mais non, c'est résolu. Non, c'est résolu, justement. Entre Sony et AMC, il y avait eu quelques Sony soucis, oui. Ouais. Ils font déjà Mad Men, qui leur coûte assez cher, donc ils voulaient faire une cinquième saison de Breaking Bad un peu moins cher. mais ils sont arrivés à un accord pour faire 16 épisodes, qui sera la c'est saison la dernière. Finale. Ouais. Mais j'ai lu aujourd'hui une news, c'est du tout frais, je l'ai lu avant l'enregistrement, comme quoi ils hésiteraient à faire ces 16 épisodes sur une ou deux saisons. Tu vas peut-être l'étaler sur une cinquième et sixième saison, où ça ferait 8, voire peut-être un peu plus s'ils arrivent à négocier, jour 10 et 10 chacun. Mais pas que ce soit trop long aussi. Mais c'est ce qu'on disait la dernière fois. C'est ce qu'on disait la dernière fois, et ce serait bien que la cinquième soit la dernière. Qu'il y ait 16 derniers épisodes et que ça clôture un peu le. Oh, la quatrième, la dernière, ça me dérangerait pas non plus. Ouais, ben voilà, ils ont négocié une, pourquoi pas. De toute façon, ça reste une très bonne série. Ils savent que la dernière, c'est dans un an et qu'ils aient le temps de préparer. D'écrire une fin correcte, quoi. Oui, ça, parce que s'ils doivent précipitamment faire les deux derniers épisodes où ils clôturent tout un tas de trucs parce qu'ils sont obligés de finir, c'est jamais très bon. Donc je trouve que c'est positif qu'ils la séparent sur 2 ans ou pas. Ça, oui, voilà, ça c'est des questions après de gros sous et de gestion, mais non, c'est une bonne nouvelle, je pense, personnellement. Je suis assez content. De toute façon, c'est pas une série qui a baissé en qualité. Donc, à mon avis, ils seraient même capables, eux, d'en faire un peu plus, mais c'est bien que ça s'arrête là, quoi. Ouais, je trouve que la saison 3 est un peu moins bonne. Les plus courtes sont les meilleures. Ouais. Ouais, ça reste c'est quand même très bien. Mais... Ouais, voilà. Ça reste une très bonne série, quoi. Ouais. Bon. Et troisième petit retour, c'était sur ma news sur Google+. C'est juste pour annoncer que les jeux sont enfin arrivés. C'était une des grosses lacunes de Google+, c'était les jeux, comparé à Facebook par exemple. Et donc ils ont enfin lancé les jeux et bon, j'ai pu m'y essayer un petit peu. C'est vrai que l'interface est pas trop mal, parce que les jeux, contrairement à Facebook, sont séparés du reste du réseau social. Donc ça n'apparaît pas constamment sur les murs et sur les flux, ça n'est pas... Ça, c'est bien. C'est vraiment... Voilà, bah, dans Google+, t'as vraiment au-dessus, t'as tous les onglets, Circle, etc. Et à côté, t'as un petit onglet Google, Games. Et quand tu cliques là-dessus, t'arrives dans un Game Center prévu juste à cet effet-là, avec toute la liste de jeux présentés comme des applications. Et c'est seulement jouable là, avec seulement des mises à jour là. Tu n'as rien qui afflue sur les flux et sur les... Et ça, c'est une très bonne façon de faire, et on voit vraiment qu'ils ont appris des erreurs de Facebook. Ouais. Oui, c'est sur Facebook, enfin, les rares fois où j'y mets les pieds. Quand tu as Johnny 36 000, a gagné 30 points à la balotte, ouais. Ça commence à me et donner, François est devenu Kiwi Ninja, ouais, Kiwi Cool Ninja. Une vache, ouais, ça ouais. Mais tu sais les désactiver, moi j'ai jamais ces news-là dans mon flux parce oui, que je sais bien les désactiver. Mais tu dois les fouiller dans les menus, je ne saurais même pas dire où ça se trouve, j'ai dû fouiller les menus Facebook pour trouver l'option en question. Ouais. Que là sur Google+, c'est clair et c'est limpide. Donc, voilà, ils continuent sur leur lancée pour faire quelque chose de propre et de bien pensé. Voilà, donc ça c'était pour mon retour. Donc maintenant, on va enchaîner sur le gros morceau, les news à proprement parler. Et ben, je vous propose de repartir dans le même sens. Hein, non, on est bien parti. Donc je vais laisser la parole à mon ami Chauve qui est en face de moi. Mais j'ai pas trouvé grand chose de follement passionnant pour ce numéro aussi dans les news. J'ai un petit truc qui a retenu mon attention, c'est une news jeu vidéo. C'est une news de Marc Dorcel. Non, c'est pas. Oui. News jeux vidéo avec l'annonce de la sortie pour 2012 d'un petit jeu qui a l'air assez sympa qui s'appelle Uprising 44 ou Uprising 44 pour les franchouillards. Ça fait pas trop Uprising 44. Uprising 44. Uprising. Ce sera un petit jeu de stratégie qui se déroulera pendant la. Comment on appelle ça ? Le soulèvement de Varsovie en 1944 contre les nazis. Donc je trouvais que c'était assez original puisque tous les jeux de guerre en général, Medal of Honor, Call of Duty, ça va en Normandie, Stalingrad, enfin dans tous les champs de bataille connus. Que là ce sera du combat urbain. Du combat mano à mano. Oui voilà, du corps à corps. Du avec, viril, du si grand, ça, du beau, du gladiateur. Voilà. Avec, si ça suit l'histoire, possibilité d'utiliser le réseau des goûts pour les déplacements, pour la stratégie. Donc voilà, je me suis dit que ce serait sans doute pas le jeu du siècle, mais il y a moyen d'en faire quelque chose. C'est édité par qui ? Par une compagnie connue. DMD Entreprises, un studio polonais. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre ? C'est leur premier jeu, visiblement. Et vu les graphiques, ça a l'air un petit peu. Bah, c'est de la stratégie en même temps, donc ouais. C'est pas un. Mais si tu veux, tu peux venir avec moi à Cologne et tu le verras. Hein, oui, il est écrit qu'ils seront à Cologne. Je travaille, moi, je tiens pas un stand de crêpes. Moi aussi, je travaille, ça n'empêchera pas d'y aller. Mais bon, ça, c'est notre histoire. On couvrira la Gamescom, on en parlera hors antenne. Ouais. Donc, c'est prévu pour printemps 2012 sur PC, Mac et Xbox pour le moment. Voilà. Pour le moment. Et c'est vraiment de la, ça va être de, c'est de la gestion stratégique. Mais justement, il n'y a pas plus d'infos. J'ai Tactical RTS. Tactical RTS, hein, voilà. Merci. Encore heureux que c'était de sonner là, parce que pour se documenter sur ta news. Hein. Bah écoute, ça, j'ai quand même essayé de me documenter, mais je n'avais pas trouvé le, jeu, le genre exact. Donc Tactical Real Time Strategy. Voilà. Dans mon bon anglais bien allemand. Uprising 44. Uprising 44. Uprising, pardon. Ah bah ça. Voilà, bah, ça a l'air sympa, je ne sais pas. Moi je n'ai rien de spécial à en dire, il faut voir. Je... Moi non plus, j'en sais rien, si ça tombe, ce sera de la merde. Mais... Bah oui, c'est un peu leur premier jeu. Je donc dirais même peut... qu'il y a de grandes chances. Bah, il y a moyen que ce soit original en tout cas. Le truc, je te. Bah, parce qu'un jeune studio polonais, leur premier jeu, c'est pas facile quoi. Bah. Ça ne veut rien dire, il y a beaucoup de. Pas des Polacs, il y a quand même beaucoup de boîtes qui ont fait des petits jeux comme ça, qui ont lancé. Qui ont bien Kozak, marché. Et qui des ont... Polonais ou des Ukrainiens. Il y a longtemps, c'était beaucoup moins cher de faire un jeu il y a longtemps. C'est vrai que niveau graphisme, c'est un petit peu. Ça fait penser à de la PS2, quoi. Bon, les gars, moi je joue à des jeux. Mais moi aussi. Sans limite d'âge, donc. Moi aussi, mais à partir. Je le dis, j'en ai rien à péter. À partir du moment où on sort un jeu comme ça, sur des supports actuels, comme. Je trouve que c'est dur de sortir sur Next Gen, qui n'est pas vraiment Next Gen, mais. Vaut mieux, si tu as un petit studio, sortir sur une plateforme arcade. Ou ce genre de jeu, tu peux à la limite les sortir sur PC, mais en tant que développeur indépendant, comme l'ont fait pas mal de gens. Comme par exemple des petits jeux, tu sors ça sous forme de petits jeux sans prétention, on va dire, indépendants. Oui, ou bien sur le XBLA. Hein, oui, ou voilà, par exemple. Ou... Donc t'as d'autres alternatives, je vais dire, que d'essayer directement de passer sur console next gen en tant que gros titre, avec des graphismes qui sont peut-être pas à la hauteur. Donc c'est vrai que je doute un peu du succès, mais bon, le jeu sera peut-être ouais, bah, niveau un jouabilité. Jeu, qui m'a bien marqué et que j'attends beaucoup, mais c'est pas une news, donc c'est Dead Island. Si tu vas comme ça, j'attends Diablo 3, moi. Ouais, Non, mais Dead Island, je pense qu'il sera jouable à la Gamescom cette année. Ouais. Ouais. Il se rapproche, en principe, l'été c'est sortir cet été, il me semble. C'est un peu plus loin, je crois. Enfin, ouais, vous en mettez automne, un doute, quoi. Mais... Ouais, mais bon, je pense qu'il sera jouable à la Gamescom. Il y a quand même eu des très longues vidéos de 40 minutes de jeu, donc on n'est plus du tout au projet. Il est censé sortir le 6 septembre. Et pour finir de parler jeux vidéo, on peut enfin s'inscrire pour la bêta de futur de Diablo 3. Pour tous ceux qui veulent, foncez sur votre compte battle.net, foncez. Bientôt, ça arrive. Mais je crois que ça fera 3 ans que j'ai déjà vu Diablo 3. Mais oui, mais là on va pouvoir bientôt y jouer. Ouais, mais on pouvait y jouer. T'as vu ça où? Bah, à la Gamescom il y a 3 ans, il y avait déjà Diablo et StarCraft. Ah ouais. Bah, bref, là on peut. On va avoir une droit à une bêta, mais évidemment, comme d'habitude avec Blizzard. C'est quand ce sera fait. C'est quand ce sera fait, et en plus, tu t'inscris, ils scannent ta machine, et après ils sélectionnent le panel de machines dont ils ont besoin. Donc t'as aucune garantie, même si t'as tout leur jeu ou sur ton compte ou peu importe, d'avoir accès à la bêta. C'est en fonction du type de machine dont ils ont besoin pour leur test, pour vérifier que le jeu est fonctionnel. Ah ouais. Donc c'est au petit bonheur la chance, quoi. D'accord. Voilà. À part au début, les premières personnes qui sont dans la bêta sont en général soit des gens qui connaissent la famille, puis ils écartent au leader des classements, des trucs du style. Ouais, voilà, mais ça c'est vraiment des cas à part. Mais dans le grand public, je veux dire, comme nous, le public lambda. Bon, une bêta comme Diablo. En 2015 Il est prévu pour 2012, mais. Un jeu comme Diablo, il y aura une très grosse bêta, comme WoW, il y a eu une très grosse bêta. Comme StarCraft, il y a une grosse bêta, comme tous les jeux un peu Blizzard, toutes les grosses licences. Que ce soit Diablo, Warcraft ou StarCraft, c'est quand même des licences de poids. Ouais. Enfin voilà, c'est pour petit mot jeu vidéo. C'était pas ma news. C'était pas ma guerre. Bon, ben on va passer à Stetson alors maintenant pour sa news. Donc moi, pour pas changer de la dernière fois, je vais parler d'une autre série. Il fait que ça, il joue, il regarde des séries, voilà. De temps en temps, il joue, ouais. Quand il s'emmerde, et quand il a plus de séries à regarder, et quand il a plus de jeux, ben, il ne voit pas. Et donc, c'est une comédie qui passe sur FX. C'est qui est ouais, c'est qui est FX. Je plaisante, c'était un mauvais trait d'humour. Et ça s'appelle Louis, et c'est la comédie qui reprend un peu la vie d'un comédien qui s'appelle Louis C.K. Et c'est un petit peu dans le même un petit peu dans le même principe que Seinfeld, qui ouvrait avec un petit morceau de stand-up. On ne s'attaque pas à Seinfeld, attention. Hein. Un tout petit morceau de stand-up, et puis un petit peu de sa vie en fiction, quoi, et puis en finissant avec un peu de stand-up. C'est le même style, la structure, mais c'est beaucoup plus réel parce que bon, FX, c'est une chaîne qui passe. C'était la chaîne qui passait The Shield, donc c'est une chaîne où on peut dire des gros mots et tout ça. C'est pas du tout le gentillet de Seinfeld, mais. Comme Beach Chat et enfant de 4 ans. Bah en anglais, mais. Barbara Streisand. Et je. Donc, j'avais. C'est une série qui date de 2010. Elle a sa deuxième saison et elle a été renouvelée pour une troisième saison. Et je trouve qu'elle est fort amusante pour le style. Comédie un peu sérieuse, quoi. Un peu style HBO, tout ça. De là à le comparer à Seinfeld, quand même. Hein. Mais c'était pour la oui, structure. Oui, d'accord, c'est la structure, j'ai compris. Surtout qu'en plus, il est comédien, comme Seinfeld l'était. Parce que là-dedans. Enfin. Avec cette structure-là, pour moi, rien ne peut égaler Seinfeld. J'ai encore rien vu qui. Enfin, bon, c'est un avis personnel, mais. Mais c'est. Déjà, ça, c'est pas vraiment comparable parce que c'est beaucoup plus sérieux comme comédie. Tu me rassures. Mais la structure est la même et c'est sa vie, donc. Il se joue lui-même dans la série, donc, comme Seinfeld. Parfait, ben. Moi, je n'ai pas vu, donc j'en ai même pas entendu parler pour te ouais, dire. Non, mais voilà, comme ça, vous pouvez tester. Donc, je vais découvrir, voilà, c'est peut-être à tester. Ça a l'air marrant, en tout cas. Donc, c'est Louis, L-O-U-I-E. Ouais. Et lui, il s'appelle Louis, avec un S. Ouh, quel jeu de mots. Louis c'est bizarre, quand je cherche, je tombe sur des dessins animés, c'est normal. Quand je cherche Louis sur Google, je tombe sur des dessins animés. Moi, je tombe sur des hentai, moi. Ah non, il y a, voilà, ça y est, je l'ai, FX. Ils ont du mal avec à chercher. Avec son petit book. Ouais. Et ouais, d'accord. Il est un petit peu dans le même style d'humour que Ricky Gervais et tout ça. Et qui celui-là? Quand même. Quand FX chauffe, s'il te plaît. Ricky Gervais. Bon, bah, chauffe. Là, quand même, tu sais pas qui tu sors, tu sors. Qui Ricky Gervais? Coup de fouet, tu sors. Mais t'es sérieux ou pas? Bah, évidemment, je suis sérieux. Ben, Ricky Gervais. C'est le créateur de The Office. Qui l'étrangle, toi ou moi? C'est un comédien super connu. Ah ouais? Qui l'étrangle, toi ou moi? Bah, on peut le faire à deux. Je crois, ouais. Putain, une tête de con, en tout cas. Ah non, mais j'ai été surpris, j'ai cru qu'il déconnait. Bah, c'est comme qui est fixe, je me dis, il fait une blague, mais. Moi, c'était une blague, en tout cas, mais je ne sais pas pour lui. Bah, aussi, aussi. Oui, oui, oui. Ah, non, non, c'est une bonne blague. On en reparlera après. Non, non. Putain, quelle tête de con. Bon, on va enchaîner. Sur ta news. Donc. Sur ma news. Quel nom de merde aussi. Alors moi, chauffe s'il te plaît. Gervais. Tu as quelque chose à ajouter sur la série Louis, non, avant que je fasse ma news? Non, mais j'aime bien Ricky Gervais. D'accord, bon. Merci chauffe pour ce commentaire. Qui est, bon, vu qu'il en parle, qui est aussi un guest star dans la première saison de Louis. Donc, voilà. Ça t'es content? Ouais, ouais. T'as ce qu'il te faut. Bon, moi pour changer... J'ai une photo de lui avec un petit tigre, en costume blanc, lui chauffe, pas le tigre. Je te montrerai une photo de David Hasselhoff après qui devrait te plaire. Avec, sera avec des charpés. Nu avec des charpées. Ouais. Bon, enchaînons. On perd un petit peu le fil. Oui, là on s'embrouille, on s'en mêle. On a dit qu'on était plus structuré. Ouais, bah, c'était avant qu'on ne parle de Ricky Gervais. Je vais parler de ma news, comme ça on restructure. Moi je vais vous parler de BD, pour changer. En plus j'ai un support papier extraordinaire. Et d'ailleurs il s'évente avec. Voilà, bah oui, il fait chaud donc les gens entendent peut-être que je m'évente. Je vais vous parler de comics. Donc là ça va peut-être moins plaire. À Chauve, qui pensait que ça allait lui plaire la bande dessinée, mais bon. Parce qu'il y a cette année une grosse remise à zéro chez DC Comics. Ils ont décidé de repartir, de faire repartir tous leurs comics à zéro. Donc c'est plus de 50 comics qui vont repartir au numéro 1 et recommencer avec une toute nouvelle histoire. Ils sont motivés. N'est-ce pas? Donc tous les grands noms, Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, la Justice League. Qui gérerait? Un peu de sérieux, s'il te plaît, on écoute ses camarades. Donc tous ces personnages-là vont repartir à zéro et vont bénéficier d'un numéro 1. Et ça commencera au mois de septembre avec le numéro 1 de Justice League. Avec plus de 20 personnages dans la nouvelle Justice League, avec des nouveaux designs pour les personnages. Donc voilà, moi j'ai l'impression que DC Comics... envie de se faire un peu de pognon. Non, ne sait plus quoi faire justement pour faire du pognon. Ouais. Est un petit peu en perte de vitesse depuis quelques temps et il le remarque. Marvel avait déjà remarqué la même chose, avait essayé de dynamiter un peu tout ça avec Civil War. Je sais pas si vous avez un peu suivi Civil War. Moi j'avais bien aimé. Donc Civil War, chaud pour te situer, c'est le fait que le gouvernement ait décidé, suite à un incident dans l'univers Marvel, que tous les super-héros devaient déclarer. Révéler leur identité. Révéler leur identité, se déclarer auprès de l'État, voilà, sur leur vrai nom, qu'on sache les identifier. et qu'on sache en cas de problème, ben, voilà, de qui il s'agit. Donc, et là, il y a une, c'est scindé au niveau de l'univers Marvel. Il y a d'un côté Iron Man qui est pour cette loi et qui fait avec Reed Richards, le Monsieur Fantastique, les quatre Fantastiques, il décide de former, et Spider-Man qui les rejoint un peu après, de former les pro-gouvernement, les pro-référencement, c'est le mot que je cherchais. Et d'un autre côté, Captain America qui, lui, au contraire, n'est pas content et trouve que ça bafoue des libertés, donc décide de s'opposer à ça. Et alors bon, spoiler, gros spoiler, donc ceux qui n'ont pas lu Civil War et qui désiraient le lire à la suite de l'explication, n'écoutez pas. À la fin de Civil War, Civil War se termine avec la mort de Captain America. Assassiné par Ricky Gervais. Chauffe, s'il te plaît. Donc, voilà, ça c'était pour Marvel. Ils avaient essayé également avec quelques-uns de lancer les Ultimates. Comme ça, ils continuaient les séries originales de chacun des personnages. Et les Ultimates, c'était une sorte de remise à zéro avec un look plus jeune. Les Ultimates n'étaient pas top, mais Civil War, par contre, était vraiment bien. Oui, Ultimates, il y en a certains qui sont pas mal. Avec un, donc, remise à zéro des personnages avec un look plus jeune. Donc, Spider-Man, les 4 Fantastiques, tout ça était passé en Ultimates. J'y connais rien en comics, mais pourquoi ne pas mettre le paquet et créer un nouveau personnage plutôt que de... Parce qu'ils en ont déjà énormément et que les grosses licences ne se vendent plus trop. Et donc, ils essaient de les redynamiter et de relancer un peu tout ça. Quand ça se vend plus, on fait autre chose. D'arrêter, tu veux dire, les personnages en question? Bah, pas forcément de les arrêter, mais de mettre un peu leur bille dans autre chose. Parce que s'ils arrêtent les personnages, leur gros problème, ce sont les fans purs et durs, qui suivent depuis des années les fidèles qui achètent chaque semaine les grands personnages. S'ils décident de les arrêter, de créer de nouveaux, ils vont perdre tous ces fans-là au risque de ne pas plaire à de nouveaux fans. Mais non, ils peuvent continuer. Tandis que s'ils repartent à zéro, leur objectif est en repartant à zéro, mais je suis d'accord avec toi pour plusieurs choses, parce que je trouve que c'est débile de repartir à zéro, à ce point-là en plus. Mais leur objectif en repartant à zéro, c'est de garder les fans de la première heure des personnages, et en continuant sur ces personnages-là, fans. Et d'attirer de nouvelles personnes qui sont effrayées par la chronologie, le fait que ces personnages-là ont des dizaines d'années d'histoire derrière eux, et que parfois on ne s'y retrouve pas quand un personnage revient. Quand... On peut aussi penser que ceux qui n'aiment pas. Donc, comme ça, c'est un point d'accroche. Non, mais c'est pas ça, c'est un point d'accroche. Ça. Là, par exemple, t'achèterais un comics, par exemple, là maintenant, il y a des comics que je ne lis pas. Si je vais acheter un numéro des 4 Fantastiques maintenant, prends un exemple chez Marvel, ou même chez DC Comics, j'achète un Flash, mais je ne vais pas comprendre tout ce qui se passe. Mm-hmm. Parce que je n'ai pas les 10 années de chronologie qui sont passées, même plus 40, 50 ans passés. Et je ne vais pas réussir à m'accrocher à l'histoire parce que à chaque fois, je devrais me référer à des éléments qui ont eu lieu avant, sans des recherches. Et des... Donc, pour réussir à accrocher à cette histoire, c'est très difficile. Et encore plus si vous voulez accrocher un public en Europe qui n'a pas toute l'histoire. Oui, voilà, qui n'a pas tout le background. Alors que maintenant, je pense que le public en Europe serait attiré par regarder... Avec tous les films qui sortent, etc., ils sont plus attirés. Donc, c'est peut-être le moment de, en remettant à zéro, de permettre un point d'accroche à un nouveau public. Maintenant, comme tu regarderais une série qui a déjà 10-16 ans, c'est difficile de s'y mettre. Ouais, de commencer à la 10e saison, tu ne comprendrais rien. Mais là où je suis un peu d'accord avec toi, c'est que là, c'est quand même un petit peu excessif. Tu m'as fait regarder Dead Gas Catch à la saison 6. Hein. Ouais, mais c'est différent quand même. C'est pas comme si tu comprenais pas l'histoire. Ouais. Mais bref, donc là, ce que je trouve par contre, c'est que effectivement, c'est un trop gros parce que pour moi, relancer d'un coup plus d'une cinquantaine de séries. Quelle personne va, au mois de septembre, acheter le numéro 1 de 50 séries? Personne. Donc il y a des séries qui vont de toute façon rester sur le carreau pour moi. C'est ridicule. Ils devraient, comme tu dis, mettre leurs billes sur des personnages sûrs ou en lancer quelques nouveaux, mais pas absolument vouloir tout relancer et tout rebooter. Parce que ce qui risque là, c'est de perdre sur les petites séries que le grand public, pour lequel le grand public ne sera peut-être pas attiré par ce point d'accroche, de perdre les fans purs et durs de ces séries-là. Qui trouveront dommage de perdre toute la chronologie qu'ils ont mis le temps à assimiler. Mais ils devraient plutôt faire ce qui attire, genre Avengers. Avengers, c'est chez Marvel. C'est Marvel, mais. Justice League, ceux qui sont connus, toute la Justice League, en fait, simplement. Moi, je pense qu'ils rebootent la Justice League et tous les personnages qui en font partie et s'arrêter là. Le reste, continuer leur petit bonhomme de chemin, mais je sais pas si c'est une si bonne idée. Enfin, c'est mon avis. Par contre, il y a un truc où c'est une très bonne idée, c'est qu'ils vont essayer de développer le livre électronique avec ça. Et donc, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que chaque fois que le comic sortira en kiosque chaque semaine, en même temps, il sortira en livre électronique pour iPad ou autre support. Il sera donc téléchargeable sur le site. Et ils proposeront même aux gens qui l'ont acheté en version papier de pouvoir bénéficier gratuitement de la version électronique. Enfin. Ça, c'est bien. Donc ça, par contre, c'est une bonne chose, effectivement, à voir s'ils arrivent à suivre le rythme. Parce qu'on a vu par le passé qu'ils ont essayé et qu'ils sont un petit peu plantés. Il y avait 2 semaines de décalage entre sortie papier et sortie électronique. Mais voilà, enfin, effectivement, c'est un grand pas en avant. Et... Maintenant, à voir si ça va réellement fonctionner. Parce qu'en plus, je peux vous montrer, bon, le public ne voit pas, mais je mettrai des images. Il y a un nouveau design pour plein de personnages. Et franchement, il y en a qui ont des gueules de con. Comme Ricky Gervais. Mais regardez, là, vous avez l'exemple des personnages de la Justice League les plus influents, on va dire. Regardez la tête de... Je vous fais passer le bouquin et je montrerai au public sur une image sur le blog. Regardez la tête de Superman. On dirait un gamin de 15 ans. Ouais, Superman, ça va pas trop. Par contre, bon, Batman, ça va. Green Lantern, ça va. Mais Batman, il est pas trop modifié, mais Superman, Flash, ça va encore, mais c'est vrai que Superman a l'air fort jeune. Superman, qu'est-ce qu'ils lui ont fait, quoi ? C'est pas le Man of Steel, quoi. C'est... Superman, tu vas sûr qu'il a déjà des poils aux zizi. Donc c'est vrai, voilà, il y a ce côté-là un peu dommage. C'est Superman, Justin Bieber. Hein, là. Il y en a pas mal qui seront redesignés comme ça. À voir. Vraiment, c'est à voir au mois de septembre. Moi, je pense que à l'effet de nouveauté, plein de gens vont effectivement se ruer sur les numéro 1. Parce que susceptible de devenir collector ou que sais-je. Et certains vont se dire, bah, peut-être que je vais en profiter pour essayer. Moi, le premier, j'avoue, j'achèterai certains numéro 1 pour essayer de me remettre dans la chronologie DC que j'ai perdue depuis longtemps. Bien longtemps au profit de Marvel. Mais je ne suis pas convaincu pour autant que je vais continuer par après. On verra au mois d'octobre-novembre si les gens suivront et acheteront les numéros 2 et 3. Mais je suis loin d'être convaincu. Voilà. Donc, un avis, messieurs, sur ce reboot. Bah, je l'ai déjà donné. Il me semble que c'était plus intéressant de backer quelques personnages. De garder les têtes d'affiche. Très populaires et d'en créer de nouveaux. Pareil. Bah, tu gardais quoi? Tu gardais Superman, Wonder Woman, Batman, Green Lantern et Flash. Encore Green Lantern, il n'est pas très intéressant. Hein, mais bon. Ouais, mais il a quand même plusieurs séries et c'est quand même un personnage qui fonctionne pas mal aux États-Unis. Mais l'un dans l'autre, tu m'en fous puisque je lis pas de comics. Ouais, pour les lecteurs de comics, mais voilà, c'est un grand événement. Maintenant, est-ce qu'ils n'auraient pas pu peut-être aussi, dernière question après j'arrête avec ça, mais est-ce qu'ils n'auraient pas pu aussi faire façon Marvel en gardant la chronologie normale et en créant un univers parallèle comme Marvel l'a fait avec les Ultimates? Peut-être. Et sur la chronologie principale, liquider toute une série de personnages secondaires et ne garder que les têtes d'affiche dans la continuité. C'est difficile de voir ce qu'ils auraient dû faire, de toute façon. Enfin voilà, donc ça arrive au mois de septembre, donc on verra. Prochain BGS, je vous ferai un petit retour dessus, très certainement. Voilà, je crois qu'on a fini ici avec les news. On a fait le tour. On va pouvoir enchaîner sur le gros débat. Colossal débat. Colossal, ouh, j'aime bien. Colonel, ouh. Colossal. Ya, colonel da. Colossal le débat. Les enfants s'amusent, hein. N'est-ce pas? Donc le débat, Stetson, qui va parler de... Donc nous avons parlé d'œuvres cultes. Qu'est-ce qui fait une œuvre culte et quelles œuvres considérons-nous cultes, nous? Vaste question. Vaste question. Colossal question. Allez, c'est parti pour le débat. Débat, nous allons parler d'œuvres cultes. Qu'est-ce qui rend une œuvre culte? Et après avoir discuté de ça, on vous fera une petite liste des œuvres qui pour nous sont cultes. Merci Chauve de saccager les intros de Stetson. Pour notre public, c'est quand même la troisième fois que Stetson essaie d'introduire le sujet. La troisième fois que Chauve lui l'interrompt, lui gâche son intro par un moyen ou par un autre. Involontairement. À moitié. Ouais. Enfin bref. Continue. Soit. Stetson. Ben donc. Qu'est-ce qui pour toi fait une œuvre culte, vu que tu es un peu dissipé, ouais, voilà, je vas-y. Dissipé, si, tu es dissipé, je le vois bien. Allez, d'accord. Redonnons sérieux. Vas-y, donc commence le débat pour la peine. C'est sérieux, ça veut beaucoup dire. Donc, œuvre culte. Alors, deux axes de réflexion pour moi. Alors, paragraphe 1, chapitre... Paragraphe 1, alinéa 8. Chapitre 1, paragraphe 2, alinéa 9, verset 8. Alors, bon... Chauve a dit... Laissez les petits enfants venir à moi. Enchaîne, s'il te plaît. Non, je voulais dire que, premièrement, donner le qualificatif de culte à une œuvre quelconque, un film ou quoi que ce soit, pour moi, dans 90% des cas, c'est subjectif, donc erroné. Ouais. Oui. Parce je suis pas que tout à fait d'accord, si, mais oui. Subjectif, parce qu'un film culte pour quelqu'un. Je suis d'accord que la notion subjectif, c'est plutôt l'aspect ouais. Subjectif, donc erroné. Pour moi, c'est pas totalement. Oui, donc, incomplet. Peut-être plus, oui. Okay. Bon. Puisqu'un film culte pour les uns ne sera pas culte pour les autres. tout simplement. Donc, pour moi, c'est déjà ça. Donc tu trouves qu'un film devrait être culte pour tout le monde? J'y reviendrai. Mais pour prendre un exemple concret, autour de moi, à mon grand énervement, j'entends beaucoup de gens qui insèrent dans des dialogues de la vie courante des répliques du film Dikanek, qui est un film qu'ils considèrent comme culte, alors que beaucoup d'autres personnes l'ont détesté. Notamment moi. Moi, je trouvais que c'était un bon petit film, mais le fait de l'entendre rabâcher les répliques à tort et à travers font qu'il a fini par me sortir par les trous de nez. Donc, mais voilà, c'est un film culte pour certains. Ok, si on veut. Ça ne l'est pas pour d'autres, et je ne vois pas personnellement, d'un point de vue Je vais objectif, même te ce film dire a de culte, quoi. une chose pour continuer sur Dikonek. Bon, on va pas parler non plus des heures là-dessus, mais j'ai même entendu certaines personnes me dire que c'est arrivé près de chez vous des temps modernes. Voilà, ça te situe un petit peu le. Ouais, mais à mon avis, ils n'ont pas vu C'est arrivé près de chez vous. C'est arrivé près de chez vous est un film culte. Bref. Deuxième axe de réflexion. Non, mais c'est peut-être dans 5% dans 5% des cas. Là, c'est une réflexion plus objective et beaucoup moins subjective, dans le sens où on peut reconnaître qu'un film est culte sans pour autant l'apprécier soi-même. Donc pour moi, un film culte, pas pour moi, mais un film culte, point barre, c'est quelque chose qui a marqué son temps, qui a marqué peut-être même une génération tout entière, par son univers ou par son originalité, et pas forcément par son budget ou par ses rentrées financières. Donc pour moi, c'est ça un film T'as un culte ou exemple de ce que tu veux un... dire par là? Oui, justement. Par exemple, la série Star Wars, que j'apprécie très modérément. J'aime bien la regarder sur Mais un là, bon écran avec un bon ça, son, pour mais moi, sans c'est plus. pas l'exemple que tu as donné, parce que là, tu me disais qu'il n'a pas forcément marqué son temps en termes de rentrée, Non, qui a de. marqué son temps, qui a marqué une génération, mais qui n'a pas forcément eu un succès énorme financier. Bon, là, Mais en tu peux l'occurrence, avoir ça un l'a eu. succès. Oui, Mais là, il a eu un non, succès, voilà, oui. mais j'ai pas dit qu'il n'avait pas eu, mais j'ai dit qu'il n'a pas forcément Oui, justement, je voulais un cas, que tu me cites un cas d'œuvre culte, enfin, que tu jugeais comme culte, qui pour toi n'avait pas eu justement de rentrée. Parce que pour moi, si elle est jugée comme culte, c'est que elle est appréciée par un grand nombre de Ah non, moi je personnes. suis pas d'accord. Non, pas Et pour c'est moi. pas forcément, non, c'est pas forcément le cas, mais enfin, je sais pas. Vas-y, continue, excuse-moi de t'interrompre, je viendrai avec les arguments Ouais, après. oui, c'est vrai. De toute façon, on va débattre. Donc, oui, bah, savoir ce que j'apprécie moyennement, on va dire. Pour moi, c'est peut-être l'exemple le plus flagrant d'un film culte ou d'une série culte. Pourtant, je ne l'aime pas, mais je n'ai aucun souci à reconnaître que ça a marqué une génération tout entière. Et il en a découlé presque une sous-culture à part entière. Enfin, peut-être pas aller jusque-là, parce que le fan de Star Wars, pour faire le lien avec le débat de la dernière fois, il est un peu geek aussi, mais. L'univers Star Wars, c'est presque une sous-culture à part entière. Donc pour moi, ça, c'est un film culte. Maintenant, on peut aussi prévoir à l'avance, enfin, en réfléchissant au sujet, je me suis dit ça, on peut prévoir à l'avance qu'un film sera culte. Par exemple, pour moi, les Harry Potter, que j'apprécie aussi moyennement, ce sera quelque chose de culte d'ici une bonne dizaine d'années. Parce que ça aura marqué l'adolescence ou l'enfance de dizaines de millions de personnes. Je pense aussi, oui. Des gamins qui ont eu qui Oui, qui avaient ont 9 grandi, qui 10 ont ans, grandi avec voilà, qui avaient ça. 9 ans à la sortie du premier volet ou du premier livre ou du premier film, à mon avis, clairement. Donc pour moi, il y avait donc pour le film culte deux trucs, deux axes de réflexion. Le premier subjectif, oui, c'est mon film culte, ben voilà, ça c'est pas mon. Enfin, moi j'aime pas réfléchir comme ça. Je préfère réfléchir plus objectivement. Et donc pour résumer en gros mon point de vue, une œuvre culte pour moi, donc c'est quelque chose qui marque son temps, dont on peut dire qu'il y a eu un avant et un après. Quelque chose qui lance un nouveau style, par exemple, un nouveau style de film ou de bouquin. Ça doit pas forcément être du jamais vu, mais ça doit quand même être suffisamment original pour se démarquer du reste de la production. Ça ne doit pas forcément connaître un énorme succès financier. Et ça ne doit pas forcément remplir toutes les conditions que je viens d'énoncer. Au moins une. Alors qu'un gros bolide passe Oui, tout à fait. juste à côté de chez moi. Et aussi, c'est assez difficile de différencier le film culte ou l'œuvre culte du grand classique. Ça, je ne me lance pas dans la réflexion aujourd'hui parce que c'est un peu. Ouf, moi j'avais justement mis lancé en réponse à tes arguments. Hein? J'avais justement mis lancé en réponse à tes arguments. Hein. Bon, bah, je sais pas, quelques exemples peut-être? Vas-y, bah. Des films cultes? C'est pour Des toi, films cultes pour toi? Non, vous avez rien compris à mon Si, on a, argumentation là. mais Dans on a mon. compris, mais Ah non, mais non, non, non, t'as peut-être mal compris ce que je voulais dire. Quand je disais, ben, je vais te répondre alors, c'est que moi je fais une distinction, parce que le terme culte, je suis d'accord avec toi, sur le début de ton argumentation, est très galvaudé actuellement. C'est clairement galvaudé parce que tout un chacun sort n'importe quel film culte, parce que sous prétexte que quand il sort la réplique, quelqu'un d'autre va reconnaître, de son entourage, va reconnaître la réplique en question. Le problème, c'est qu'il se limite effectivement à cet entourage-là. Pour moi, à ce moment-là, si ça devait être culte, il devrait pouvoir sortir la réplique à quasiment n'importe qui, et ça devrait pouvoir être identifié alors. Non, moi je Si suis pas vraiment. là. Non, Bon, pas ça, c'est forcément. vraiment à l'extrême, mais c'est parce que le terme est actuellement galvaudé, donc je n'aime pas tellement ce terme de culte. Et donc je ferai une grosse distinction entre film culte et œuvre fondatrice. C'est vraiment la distinction que je ferai, moi. Ceux que tu cites qui n'ont pas, par exemple, de succès au box-office, mais qui ont marqué une génération. Et qui ont par exemple duquel a découlé quelque chose. Je prends l'exemple du Seigneur des Anneaux, par exemple. Mais vraiment, une œuvre Mais fondatrice, c'est un film culte, quoi. ça peut, oui, ça, pour moi, ça peut avoir les deux aspects. Une œuvre fondatrice peut être un film culte. Le Seigneur des Anneaux, par exemple, est une œuvre fondatrice, mais c'est aussi quelque chose de culte pour moi. Tu vois, que un film, quel exemple est-ce que je pourrais citer pour Ben, montrer par exemple, Clerks, c'est un film culte, ou The Big Lebowski, mais c'est pas des films fondateurs dans leur style. Oui, voilà, ça, En là il y a une quoi distinction. j'adore Big Lebowski, mais en Oui, quoi mais c'est un c'est. film culte? Bah, c'est culte, le Big Lebowski. C'est vraiment. C'est difficile d'argumenter pour dire pourquoi c'est culte. C'est surtout cet Bah, aspect-là qui est difficile. j'adore, hein, mais. Le style du film. Enfin, alors, parce que je suis pas Alors. d'accord avec votre définition de culte, parce que tous les deux vous Non, non, non, pensez mais qu'il doit. justement, non. Moi, je pense que culte, pour moi, bon, le terme est très galvaudé, mais pour moi, une œuvre culte, ça doit pas être, comme tu dis, c'est très subjectif. C'est pas quelque chose où on a la science infuse et où la personne qui l'a inventé, c'est culte. Il y aura de toute façon peut-être une personne à qui ça ne plaira pas ou qui jugera que ça n'a eu aucune incidence sur sa vie ou sur les œuvres qu'il voit actuellement parce que c'est autre chose d'avant qui a eu l'incidence. Donc pour moi, culte, le terme, c'est vraiment propre à chacun et c'est clairement subjectif. Un film culte, ça dépend de ta culture, Alors, ça dépend de tous qui les films tu es, doivent ça être dépend cultes, de. quoi. Donc c'est pour ça que je dis que moi, ce terme-là ne me plaît pas tellement. Toi, là, il peut être un film culte, alors. Peut être un film culte pour certaines personnes, je pense. Je pense clairement, oui. Moi, je préfère faire le rapprochement entre film culte et œuvre fondatrice. Maintenant, dans mon esprit, pour moi, Twilight n'est pas culte, effectivement, parce que, Ça, c'est clair. voilà, dans mon esprit, il y a quand même malgré tout ce petit rapprochement qui se fait avec œuvre fondatrice, avec film culte. Pour moi, c'est qui a effectivement inspiré des générations, clairement inspiré. Voilà, c'est un mot qui a clairement inspiré quelque chose, un courant, qui a amené quelque chose, qui a fait découvrir quelque chose, qui. Voilà, pour moi, il y a vraiment cet aspect-là dans culte que c'était du jamais vu avant. Ce film est culte parce qu'il a une particularité Là, qui t'es fait en de train de lui que. parler de l'œuvre fondatrice. Ouais. Non, Moi, non, pour moi, non. vous parlez plus. Enfin, Non, parce que un vous avez dit, film. il a amené quelque chose, il a Ah non, créé mais quelque je prends. Non, chose qu'on n'avait jamais justement, vu avant. soit il a amené quelque Ouais. chose que j'ai vu avant, soit il a cet élément en plus, ce petit truc qui fait que. On l'identifie vraiment à part d'autres films. Que d'autres films ont peut-être exploré le même concept, mais que lui a cette petite particularité qui fait que il est entré dans l'histoire du cinéma et il est devenu une sorte de référence. Il n'a pas spécialement amené quelque chose, il s'est peut-être déjà servi de choses existantes. Tu vois, c'est pas une œuvre fondatrice, mais c'est vrai que la frontière est Ah, c'est un débat, hein, assez ténue, ça c'est clair, ça je suis mais d'accord. moi je trouve qu'un film culte c'est simplement un film qui a une audience fort dévouée. Elle peut être toute petite, mais elle est fort dévouée. Et c'est ça, d'ailleurs, c'est ça pour ça que ça s'appelle culte. C'est parce qu'ils le suivent comme un culte. Et voilà, et donc ça, justement, Donc ça peut être une toute petite œuvre. ça rebondit dans l'argument que j'ai dit. Ça, pour moi, ça reste, comme tu dis, subjectif. Et ça dépend effectivement de chaque personne. Si la personne est plus touchée et fait partie de l'audience de tel film, admettons, et pour lui, c'est un film culte et fait partie de cette audience dévouée à ce film. Et clairement, comme on dit, un fan à l'heure actuelle, quoi, vraiment, même plus que fan à la limite, ben oui, alors c'est une œuvre culte. Et puis on peut mettre des films cultes qui sont parce qu'ils sont mauvais et que ça en devient marrant. Les Aussi, films de série B ou bien Showgirls, c'est un film qui est considéré culte parce que il est pourri et que les gens le regardent avec ironie. Plein de films d'horreur sont considérés cultes. Moi je trouve pas, mais bon. Ouais, mais il y a plein de gens qui, effectivement. qui adore les films d'horreur, qui adore les. Je n'entends plus sur le nom de cette gamme de films d'horreur. Enfin bref, passons, je retrouverai peut-être après. Rocky Horror Picture Show? Non, non, non. Tu parles d'une suite de films ou bien? Non, non, bref, je retomberai dessus. Mais que moi, effectivement, je ne juge pas comme culte, par exemple. Nous, par exemple, on est dans une optique, dans une culture plus geek, donc les films cultes, enfin pour moi en tout cas, et pour cette scène peut-être aussi, ça va être des films, comme tu citais, Star Wars par exemple, va rester quand même un film culte pour moi. Tu vois, c'est à la base de ma Je suis culture. Donc ça sera peut-être pas culte pour des gens. Il y a plein de gens Mais je trouve que presque je connais qui détestent Star Star Wars. Wars et qui jugent pas que c'est culte. Retour vers le futur par exemple. Moi, pour moi, c'est un film culte, Retour vers le Mais futur. plus, moi je trouve que Star Wars c'est presque trop grand et plus une œuvre qui a eu un impact énorme, mais pas vraiment un film culte parce que c'est trop vaste. Enfin, c'est un peu au contraire de ce que tu disais, quoi. Mais je trouve c'est que c'est devenu trop populaire, ouais. Justement. C'est entré trop dans la culture populaire Donc, que pour avoir le ça, statut de culte. justement. Mais non, parce que moi, les films cultes plutôt, c'est Blade Runner, Quelque chose qui rentre dans Pulp la culture Fiction. populaire, c'est Blade vraiment Runner culte, comme film quoi. culte. Ah, Oula, oui. oula, oula, oula, ce qu'on va là. Mais je suis d'accord pour rajouter ce que tu dis avec la fan de base la base de fans dévoués aux œuvres fondatrices. Pour enfin, ça plus ça ferait une œuvre culte. Mais ça me dérange dans le sens où, je reprends l'exemple, avec des raisonnements pareils, tu peux mettre Twilight comme film culte. Mais ça me dérange aussi, qu'on me dise que Twilight est un film culte, ça me dérange aussi. Mais si je pars de la définition que j'ai de culte, et que je suis en accord avec celle de Stetson, Ah, où mais je suis d'accord avec ça a un l'autre, groupement de fans, c'est un point de vue qui pour se moi, défend, mais Twilight est culte voilà. pour une série de personnes. Pour un type de personne bien Ouais. spécifique, Twilight est un film culte. Des connards, mais. Après, je ne viendrai sûrement pas dire Twilight, c'est une œuvre culte, parce que je ne le pense clairement pas. Parce que pour moi, ça reste. C'est la définition actuelle de culte, parce que pour moi, dans mon esprit, mes œuvres cultes, c'est celles qui sont fondatrices de ma culture. Donc je les allie effectivement à œuvres fondatrices, mais de ma culture, pas œuvres fondatrices par rapport au cinéma, au marché du cinéma, ou à des techniques, ou à des façons de raconter des histoires, tu vois. Donc oui, moi dans mon esprit, œuvres cultes, ce serait mes œuvres cultes, en tout cas, sont celles qui ont marqué, qui sont fondatrices de ma culture Pourtant, mais je et de vois ce mon que vous esprit voulez geek. dire et je suis pas en désaccord avec le truc, mais on peut dire de n'importe quel film qu'il est culte. Oui, clairement. Mais à C'est la dommageable, base, mais oui. les films cultes, mais ça va contre ce que vous avez dit, mais quand ils entrent dans la culture de masse et qu'ils deviennent trop populaires, ils ne sont plus vraiment cultes parce qu'ils ne sont Ça, plus par contre, rares. je suis pas d'accord avec Mais toi. c'est, à la base, pour Mais toi, si, c'était ça. ils ont dépassé le statut de culte à un tel point qu'ils sont rentrés dans la culture populaire, donc c'est encore au-delà où ils sont plus cultes, mais on va pas Parce dire qu'on qu'ils utilisait pour moi, qu'un film pour moi, culte, c'était non. un film rare. Mais Non, c'était non, ça à non. la base, hein. Mais non, moi pas, parce que Mais je suis pas c'était comme d'accord. ça que a été défini quand. Oui, mais qui a défini défini ça? ça? C'est un magazine Cult Ouais, Movies. Voilà, c'est. Oui, mais c'est eux qui ont inventé le Je suis. terme. Attends, je suis Ouais, lecteur. personne n'a inventé Non, le c'est truc, ils ont inventé le mot, un terme qui est entré dans la rien, quoi. culture populaire maintenant. Je suis lecteur Bad Movie, c'est pas pour ça que je vais être d'accord avec tout ce qu'ils disent. Et Non, avec tout. mais. Voilà, donc. Non, moi, pour moi, le terme culte, c'est vrai, comme on disait, avec l'exemple du Dickonnet qui est galvaudé actuellement, clairement. Mais pour moi, une œuvre culte, ou une œuvre fondatrice, peu importe comment on l'appelle, qui a amené quelque chose, effectivement, en termes de cinéma, puisqu'on parle beaucoup cinéma ici. Après, on parlera peut-être des autres choses, mais j'ai un doute, à mon avis, restera braqué cinéma. D'ailleurs, c'est une question que je poserai après. Enfin, bref. Donc, les œuvres cultes, ou fondatrices, qui ont par exemple marqué l'histoire du cinéma, oui, ben, à partir du moment où elles ont marqué, ou elles ont inspiré toute une série de jeunes réalisateurs, par exemple, elles peuvent être jugées comme cultes, même si par après, elles sont devenues plus populaires, parce que beaucoup de gens ont remarqué que c'était très bon, et qu'effectivement, ça valait le coup d'être vu. Et ça a été énormément vu, mais pourquoi est-ce que ça leur enlèverait ce statut de culte ou d'œuvre fondatrice? Pour quelle raison est-ce que ça leur enlèverait ce statut? Parce que plus de gens décident de regarder, parce qu'ils ont remarqué qu'effectivement c'était culte et donc très intéressant. Ça n'enlève rien, moi je dis que ça passe d'un niveau. Voilà, ça n'enlève rien pour moi. C'est pas parce que ça rentre dans la culture de masse que ça reste pas quelque chose de. Ça dépend de. Twilight, c'est difficile de juger comme culte parce que ça a été populaire dès le début. Alors Oui, qu'il y a des films qui sont devenus et puis populaires avec objectif, le et temps. puis Twilight ne restera pas dans la culture Twilight, populaire au dans restant 10 ans, objectif, tout le c'est de la monde l'a merde. oublié. Au restant objectif, c'est de la merde. Ah oui, c'est de la merde. Que Star Wars, bah dans 30 ans, tu auras encore des mecs qui Ça regardent. dépend Les s'ils regardent Beatles, les dans premiers 50 ans, ou tu auras encore des Ah ben mecs qui voilà, les Star écoutent. Wars est l'exemple typique pour moi. Star Wars, bon, voilà, d'un certain point de vue culturel au niveau, en tout cas cinéma, science-fiction, les trois premiers Star Wars sont des œuvres cultes. Ils ont ou fondatrices, peu importe, moi je voilà les deux termes, les trois autres sont les deux des termes mauvais se films. ressemblent parce que ça a amené quelque chose. Oui, mais les trois autres, on les oublie pour le coup. Mais après, ça a amené toute une culture autour de Star Wars avec l'univers, ce qu'on appelle l'univers étendu. Mais ça n'empêche pas que voilà, ça a peut-être touché beaucoup plus de monde, cet univers étendu, ça a peut-être attiré plein de monde vers Star Wars et ça a peut-être fait sa renommée par tout ce merchandising autour et cet univers étendu. Mais ça ne lui enlève pas son statut de culte, pour moi. Ça a amené quelque chose ça, au niveau, ouais, ça a amené au niveau quelque cinéma, chose, au niveau ça, des effets d'accord. spéciaux, au niveau des... Mais voilà. Moi, je le considérerais... Peut-être que ça a dû au fait qu'il y a les trois suivants qui ont... C'est vrai que ceux-là, par contre, on ne peut pas trop les considérer comme œuvres cultes, pour le coup. Non, puis ça, ça réduit la qualité de l'œuvre globale. Donc, si tu les prends ensemble, Star Wars n'est plus du tout culte. Il faut vraiment les séparer. Oh, mais la séparation, pour moi, elle est faite avec clair et net. C'est l'avocat du diable, mais moi, j'aime bien les trois derniers. Enfin, j'aime bien beaucoup dire. Ouais, c'est bon, ça va. Les regards. La preuve en est, Chauve peut dire ce qu'il veut sur Star Wars, il vient de dire au début. Qu'est-ce que tu as dit au début que tu ne trouvais pas ça spécialement culte ou que tu n'aimais pas spécialement? Non, j'ai dit que c'était culte. Je reconnais que c'est culte. J'ai dit mais qu'il n'aimait pas spécialement. Voilà, mais regarde un exemple. Il dit qu'il n'aime pas spécialement autre. Ah, lorsque Stetson a voulu faire sa deuxième introduction qu'il a foiré par ta faute, qu'est-ce qu'on a entendu comme sonnerie oui, GSM chez toi? J'aime sur bien ton GSM sonnerie. R2-D2 ouais. Voilà, donc à partir de ce moment là pour moi c'est culte populaire, pas culte. Ouais, oui, oui, on peut on a non, parlé de Star Wars, la pop culture c'est la dernière un peu fois c'est vrai que Star Wars c'est des trucs que j'aime bien, des trucs que j'aime vraiment pas donc... Star Wars c'est peut-être l'exemple ouais. compliqué parce qu'effectivement à la fois toucher le grand public, apporté au niveau cinéma, reste culte pour toute une série de personnes et beaucoup pour les geeks, est une œuvre un peu fondatrice. Pour moi, dans Star Wars, le problème, c'est que c'est un peu un mélange de je tout. Veux bien te Ils donner... ont réussi à mélanger tout. Voilà. Je veux bien te donner que Star Wars, les trois premiers sont cultes et ils resteront cultes. Par contre, je trouve moins d'accord sur Harry Potter ou alors, et Le Seigneur des Anneaux, les films en tout cas. Oui, parce pas qu'ils pour sont... nous, mais ils sont non, cultes mais... pour une génération. Mais même parce qu'ils sont trop... ils ont trop été populaires directement. Donc c'est pas ils ont jamais eu un mais les moi, livres non, ont un mouvement non pour moi ils ont eu un impact il y a rien à faire Harry Potter ça aura un impact dans quelques années pour moi ça reste du divertissement au grand public peut-être mais les ça livres, a marqué les générations pas, et donc pour ça moi ça marquera la culture de plein de gens donc, je suis pas sûr bah, et la preuve si, et, je crois que si. Et pas que ça la preuve c'est qu'après il y a eu spécialement fan, non. Il y a eu plein de choses qui se sont inspirées d'Harry Potter. Il y a eu plein de romans, je n'ai pas d'idée en tête, Tara Duncan, pour citer un exemple, qui va arriver en film. Ça, c'est complètement pourri comme roman. Mais c'est, Twilight, ils ont suivi la vague Harry Potter. Harry Potter. Donc, Twilight je pense plutôt dans le c'est... fait d'avoir des romans à rallonge avec des suites et tout, c'est pas, non, c'est pas c'est Harry pas Potter plutôt, qui a inventé, mais je veux dire... C'est... Inspirer un peu de True Blood en version pour adolescents. Moi, je pense ni l'un ni l'autre, mais... Parce que c'est je n'ai pas dit que ça a découlé complètement, je dis que ça a dû avoir une influence... Les séries de films peut-être ouais que le fait de séries on a c'est remarqué vrai, que les séries avaient du succès ouais. Les séries de livres c'est vieux depuis depuis longtemps qu'on sait que les séries ont du succès et que le truc feuilletonnant plaise au public ça fait longtemps mais bon enfin bref ah, voilà mais non les... autant pour Le Seigneur des Anneaux autant les livres sont cultes et ils ont été super importants puis justement t'interromps pour moi Twilight va chercher une partie du public d'Harry Potter avec 50 plus quoi. Non, ouais je pense peut-être. Pas. Enfin, j'ai dit une partie. Mais bref, pour le repartir sur le Seigneur des Anneaux, comme tu dis les bouquins, là c'est clairement ce que je verrais vraiment là plus que clairement comme œuvre fondatrice. Pour le Seigneur des Anneaux, ouais. C'est une œuvre fondatrice parce que Tolkien a créé un univers. Ok, il s'est inspiré de certaines mythologies, il a pas tout inventé non plus, il a pas pondu ça comme ça. On est bien d'accord là-dessus. Mais il a clairement créé un univers. Après tous les trucs d'heroic fantasy, que ce soit les jeux, que ce soit les films, que ce soit, sont tous inspirés de l'œuvre de Tolkien. Clairement, on peut pas le nier. Ouais. Donc pour moi, il a un statut, c'est même au-delà du culte. C'est... Qui lui-même s'inspirait d'autre chose. Hein, mais, bon. Mais tout n'est qu'inspiration si tu pars comme bien. Ça. C'est ça le truc aussi. Il y a un moment, il faut bien cibler un point de départ quelque part. De toute façon, tout ce qui est imaginaire, tout ce qui est créé par des gens, pour moi en tout cas, c'est ce que je pense, les gens le pondent pas comme ça, ils le créent avec leur bagage culturel, avec ce qu'ils ont lu, vu, entendu, et c'est un mélange de tout ce qu'on a connu, vu et entendu, ouais, qui crée notre imaginaire et qui nous permet de créer. Donc de toute façon, tout ce que tu pourras citer vient de quelque part avant. Ouais, Il n'y a personne qui a rien inventé à la base. Peut-être Dieu qui est arrivé sur Terre, qui a créé les humains, il s'est dit voilà, on va les créer. Mais bon, faut croire en Dieu encore. Enfin bon, on s'éloigne un peu du débat. On peut dire aussi que, bon, par contre, là, ça, on sera tous d'accord, mais les films cultes créent une culture secondaire, hein, autour du film. Là, on revient à un vieux débat du BGS, une culture certainement pas, une sous-culture au Une mieux. culture secondaire, j'ai dit. Ah, au débat que tu avais fait sur les jeux vidéo, culture, divertissement ou art, c'est ça? Ou entrepôt. Culture, art ou... Enfin bref, c'était un thème. Vous retrouvez, c'était le BGS Deux, trois. 3, je crois. Ouais. Enfin bon, vous retrouvez. Une sous-culture. Et non, encore, je ne te suis pas. Pour moi, le truc le plus flagrant, c'est Star Wars qui a pratiquement enfanté une sous-culture, mais à part ça, je ne vois pas. Star Wars, ça reste à part pour moi, parce qu'il y a deux choses dans Star Wars. Il y a le merchandising de George Lucas, qui clairement n'en avait rien à foutre de cet univers-là. La preuve, c'est qu'à la base, il voulait pas faire Star Wars. Il voulait faire Flash Gordon. Il n'a pas eu les droits, donc il a créé un univers qui s'apparentait, mais il n'aime pas Star Wars. Il a juste remarqué que c'était une grosse machine à fric, et que le fait de mettre les moyens comme il avait voulu les mettre sur Flash Gordon avec ses effets spéciaux réussissait et marchait auprès du grand public, et qu'il a eu la bonne idée, le bon flair de créer plein de produits dérivés pour se faire du fric. Donc t'as cet aspect-là dans Star Wars qui l'a amené à la culture populaire, et t'as à côté de ça l'univers étendu, qui là est plus dans la définition de Stetson, un groupe de fans fervents et vraiment admiratifs qui ont décidé, qui adoraient cet univers-là, qui n'avaient rien à foutre du merchandising autour fait par Lucas et du gros battage qu'il a fait autour, qui détestent les trois nouveaux films, et qui eux par contre adorent l'univers et trouvent que cette histoire peut inspirer des choses géniales, et ont créé donc ce qu'on appelle l'univers étendu, donc qui raconte toutes les histoires de Star Wars, des époques passées, des époques futures, et qui a une vraie chronologie et qui est clairement un feuilleton sous forme de roman, BD ou autre, autour de l'histoire des Jedi et de l'Empire et de Star Wars en lui-même. Donc là, c'est vraiment, voilà, pour moi, c'est Star Wars, c'est vraiment l'exemple à part, quoi, où il y a eu les deux, pour moi. Il y a eu l'aspect grand public et l'aspect culte et fondateur. Oui, je suis d'accord avec le fait que Star Wars, il n'est pas facile à mettre dans Non. une catégorie C'est tout plus facile seul. de discuter du Seigneur des Anneaux, Harry Potter ou Twilight que de commencer à parler de Star Wars, je Ouais. trouve. Mais pour revenir à ce que tu disais, je vois pas de quel film ou de quelle œuvre tu pourrais dire qu'une culture secondaire a découlé. Mais Bah, ça se une discute. sous-culture, si tu veux, mais Oui, non, mais une culture secondaire, j'ai dit c'est la culture même chose. secondaire. Le fait que les gens Mais t'as reprennent. sûrement des exemples, mais Mais, j'attends. par exemple, vous parliez que les gens sortaient Des répliques. des répliques de Dickennec tout le temps. Ouais. C'est un petit peu créer une sous-culture. Non, Ah faut si. beaucoup plus que ça pour faire une sous-culture. Mais c'est parce qu'on n'est pas d'accord sur ce qu'est une Non, pour moi, sous-culture. non, pour moi, Dickeneck a repris une pas même pas de culture, une comment est-ce qu'on pourrait dire ça? La façon d'être d'une région, la culture, je vois pas d'autre mot, mais c'est un mot vaste. Et s'en est servi pour faire rire les gens étrangers. C'est arrivé près de chez vous, a fait la même chose en prenant Donc, la culture Dickennec, c'est ch'ti. jamais qu'un plagiat de C'est arrivé près de chez vous, Pulp Fiction, Non, mais pour moi, Snatch, et voilà, ça fait je vais peut-être en Dickennec, choquer quoi. certains, mais pour moi, Dickeneck, c'est la même chose que Bienvenue chez les ch'tis. Ils ont pris un aspect En d'une version culture. belge, donc plus trash, Bienvenue chez les ouais. ch'tis. Bienvenue chez les ch'tis a pris la culture ch'ti et s'est dit, ben voilà. Le reste de la France les connaît pas et l'accent fait rire, la façon de vivre les fait rire. Ben on va raconter la vie dans ce coin-là, raconter cette culture-là justement, voilà. Même si c'est pas le mot culture au sens où on peut l'entendre là, mais c'est une culture. Et cette culture-là va faire rire le reste. Donc on va s'en servir pour la mettre en film et exagérer le trait. Comme ça deviendra culte. Ils se sont peut-être dit ça comme ça. Les gens citeront les répliques et ça va faire beaucoup d'entrées, ça va marcher quoi. Et pour moi, Dickeneck, c'est la même chose. Ils se servent d'une culture déjà existante, donc ça ne peut pas avoir cet aspect de culte ou de fondateur. Mais c'était juste pour l'idée des répliques, hein, que j'ai utilisé ça, mais Oui, je non, trouve mais que j'aimerais qu'on s'emporte les films peut-être. de Quentin Tarantino, par exemple, restent toujours dans l'esprit des gens. Donc ils sont souvent Pulp cultes. Fiction, c'est culte, c'est Bah, tout. Réservoir Dog aussi. Et pourtant, encore une fois, Éventuellement, Réservoir Dog, comme tu ça va. parlais d'inspiration tantôt, etc., Tarantino n'a rien créé non plus. Tarantino s'est clairement inspiré de films japonais pour beaucoup de choses. C'est clairement inspiré, il s'inspire d'univers Oui, et à côté de ça, il a assez variés. inspiré énormément Ouais. de Et à jeunes côté de ça, il en réalisateurs. inspire d'autres. Voilà, c'est C'est de lui toute façon. Hein. qui a, enfin, ça existait déjà, mais c'est lui qui a un peu amené et qui a fait connaître au grand public tous ces découpages de films avec des Et flashbacks, des justement, flash-forwards, des mal. Stetson, tu viens de dire que donc pour toi, Tarantino alors a fait des films cultes. mais pourtant ils sont très connus du grand public. Donc ça ne Non, correspond pas avec la les premiers définition. Reservoir Dogs n'étaient pas un succès, c'était un tout petit film. Ouais. Mais maintenant ils le sont. Donc pourtant Oui, ils auraient perdu leur mais statut de culte principalement, maintenant. non. Non, parce qu'il faut, j'ai dit qu'il devient culte, mais il ne faut pas qu'il soit le gros marketing de Harry Potter ou du Seigneur des Anneaux ou de Ah Twilight. d'accord, c'est au départ, toi, que tu Ouais, vois il la faut qu'il ne soit différenciation. pas trop connu au départ, qu'il Ah soit donc, de culte. d'accord. Après, il rentrera dans la Donc, culture. pour toi, un gros blockbuster ne veut pas être culte. Non, enfin, Ouais. Star Wars, à la limite, ça passe parce qu'il a C'est... influencé tellement de monde, Ça mais... reste le cas à part. Je le lis de tout le long, mais Star Wars, j'arrive pas à le classer. Pour moi, ça reste un peu le... C'est pour ça, par exemple, The Big Lebowski, c'était un échec commercial, mais c'est un succès vidéo. Donc, et je trouve pas que tous les films de Tarantino soient cultes. Je trouve que Kill Bill Certainement pas. Non, a non, moins, non. mais Reservoir Dogs et Pulp Fiction, clairement. Jackie Brown Jackie un peu Brown. moins. Jackie Brown, un petit peu pour moi. Bon, Mais il y pour a moi, moins moins de de trucs. trucs. Non, il y a moins de trucs, mais ça reste quand même Très dans très les. long, Jackie Brown. Reservoir Dogs, la Ouais, j'ai scène beaucoup aimé. du restaurant où avec le pourboire, Ouais. elle est épique, Elle hein. reste dans les mémoires, oui, de tout le monde. Donc oui, ça reste dans les mémoires et ça, tout le monde se souvient, identifie directement. Donc ça se oui. Ah, vas-y, excuse-moi. Non, mais après il y a Clerks, c'est aussi un échec commercial à sa sortie. Enfin, pas vraiment vu qu'il coûtait rien, mais il n'y avait pas de marketing, c'était pas un film connu, et c'est un succès qu'il y a eu en vidéo Ouais. surtout. Et beaucoup plus aux États-Unis, comme je crois, Ouais, Clerks. forcément, Parce mais. que il... Enfin, il est beaucoup plus connu aux Connais États-Unis que chez Clerks? nous. Non. Ouais, tu vois, voilà, c'est. Les films de David Lynch ont souvent un côté un peu culte. Un peu chiant aussi. Mais alors, attends, alors, là, bon, c'est. Je vais partir par exemple sur un cas comme Terrence Malick, par exemple. Bah, Alors, pour toi, les films de Terrence Malick, je connais beaucoup de gens pour qui, par exemple, Tree of Life, c'est un film culte, c'est un film fondateur qui va inspirer dans ça, je trouve l'avenir. que c'est impossible à dire maintenant. Faudra Alors voir qu'il y a eu quand dans. même un sacré succès box-office, par exemple. Je sais pas le succès C'est un de petit Tree peu. of Enfin. Life. Mais il faut. Non, je trouve que c'est trop tôt pour dire qu'il est culte. Faut au moins attendre quelques. Oui, donc il faut quand même attendre un certain nombre d'années pour vous pour. Certains films de Kubrick sont cultes. Orange Mécanique, c'est culte. Il y a plein de scènes qui restent dans ma tête. 2001. 2001 est clairement. 2001 aussi. C'est même fondateur, 2001. C'est clairement. Ouais. Tu trouves pas que Orange Mécanique est culte, la scène du Non, c'est vrai qu'il y a. Là, tu cinéma mets sur un aspect assez intéressant. C'est quand Si, même j'ai hésité à le mettre dans ma C'est quand même liste. le temps. C'est vrai que le fait que les films deviennent cultes, c'est pas directement à la sortie. C'est Mais vrai que c'est non. trop tôt pour Tu juger qu'une peux œuvre est culte à la estimer que sortie. quelque Mais chose va devenir c'est culte, pour ça mais. que je disais qu'Harry Potter serait culte dans 15 ans. Culte, il faut Mais moi, je peut-être. suis pas d'accord. Culte, Ouais. voilà, il faut peut-être voir sur la durée. Faut voir si ça crée chez les gens, effectivement, La cette passion. passion et si ça inspire des choses et si ça. Au fur et à mesure des années, et des années après, tu te dis, ben oui, là, effectivement, cette œuvre est culte parce qu'elle a inspiré tout ça, parce qu'il y a ces gens qui sont passionnés, et qui restent accrochés à cette œuvre. Et donc, au fur et à mesure des années, elle est devenue culte, ouais. Brésil aussi, je trouve que c'est culte. Freaks dans les très vieux films. Brésil, enfin, ouais. Brésil, c'est très bien, mais Brésil, je je vois n'aurais pas pas joué. vraiment en quoi c'est Non, je culte, qualifierais sinon. pas ça de culte, Brésil. Parce que si je, enfin, c'est déjà pas pompé, mais c'est déjà bien influencé par 1984, Brésil, qui est d'ailleurs une œuvre culte que j'ai oublié de mettre dans ma liste. Bah ouais, mais il y en a d'autres, hein. Après, Bah, c'est Blade Runner, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi c'est important aussi. vrai que c'est marrant parce que moi, ma liste, par exemple, si je devais citer ma liste de films cultes, on va peut-être Ah, vas-y. parler de ça, mais je vais pas, c'est juste pour dire avant d'autre chose, quand je réfléchis en termes de films cultes, je me dis culte, je pense culte pour moi en fait. J'ai cette tendance à penser culte pour Bah, ce moi qui est normal et qui ont quand fondé ma culture à moi. même. Donc c'est vrai que, voilà, par exemple, on vient d'en discuter un peu, mais les Tarantino, par exemple, je ne les aurais pas de... Oui, je suis d'accord, c'est des œuvres cultes, je suis entièrement d'accord. Mais si j'avais dû penser à ma liste de films cultes, j'aurais pas pensé à Tarantino, je les aurais pas mis dedans. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu... Comme Il moi, y a je deux pense pans, pas il y aux a le films pan d'horreur. subjectif et le pan Que ça objectif m'intéresse peut-être, pas, mais mais. si je dois penser à mes films cultes, par exemple, admettons, je mets Retour vers le futur en tête, par exemple, tu vois? Back to the Future, pour moi, c'est une œuvre culte qui a forgé ma culture, quoi. Ouais, puis pareil, il y a plein de trucs de Back to the Future que tu te rappelles Oh, toujours, comme c'est... les autres films que je disais. McFly, McCray, il y a quelqu'un? Bon, bref. Mais non, voilà, je mettrais ça. Alors que, au statut où on l'entend par rapport à, par exemple, au film de Tarantino, pour moi, bah, alors Back to the Future est clairement n'est pas aussi culte et n'est pas aussi fondateur, n'a pas apporté autant d'éléments au cinéma et n'est pas. Beaucoup plus kitsch et moins qu'un Tarantino, par exemple. C'est parce qu'on parlait de Tarantino, mais il y a d'autres exemples. Mais par contre, souvent les gens considèrent Night of the Living Dead culte, alors que moi je trouve que ce serait plus fondateur parce que. Bah, moi je l'ai mis dans ma liste. Parce que je trouve pas qu'il y a vraiment quelque chose dont je me rappelle. Oui, ça a créé le genre de zombie, quoi. Mais il n'y a pas. Moi je fais un mix avec fondateur et culte aussi. Donc, Mais c'est la différenciation. Pour moi, il y a trois trucs et c'est ça qui est difficile à différencier, c'est œuvre fondateur, œuvre culte, mais d'un point de vue de ce qu'elles ont apporté, du cinéma, du nombre de fans, etc. Et œuvre culte personnelle, dans sa culture personnelle. Ouais, c'est vraiment trois choses. Tu peux mettre les chefs-d'œuvre aussi. C'est trois choses qui se. Oui, mais les chefs-d'œuvre pour moi rendent un deuxième. Ça peut faire bondir, mais moi j'ai mis 28 jours plus tard dans le film culte. Ouais, je trouve. Et Evil Dead, tu l'as mis. C'est un très bon. J'adore 28 jours plus tard, mais je trouve pas que c'est un film culte. Est-ce que t'as... fondateur, mais. Est-ce que t'as mis Evil Dead dans tes films cultes? Non. Evil Dead, par contre, je trouve qu'il y a un côté plus culte. Moi, je mettrais plutôt Evil Dead que. Ouais, Evil Dead, c'est. J'ai mis Il faut sauver le soldat Ryan dans les films cultes. Ça a relancé toute une. En film de guerre, je mettrais uniquement Apocalypse Now. Parce que je me rappelle de trucs. Si tu considères comme un film de guerre, il faut Metal Jacket. Ouais, film si tu le considères vraiment comme un. Pour moi, le soldat Ryan, c'est fondateur dans sa façon d'aborder. Mais alors, à ce moment-là, pour moi. Il a influencé tous les films de guerre. Attends, à ce moment-là, tu mets Gladiator dans les films cultes parce qu'il a relancé le péplum. Non, parce que le péplum, c'est. Il a trop peu les films en 15 ans, que les films de guerre, c'est quand même plus. Pour moi, Gladiator a relancé Kingdom. Il y a pas longtemps. Non, attends. Gladiator, pour moi, a relancé. Après, il y a eu. A fait Kingdom of Heaven, a fait 300, a fait toutes ces vagues de films-là, pour moi, viennent de 3, etc. D'accord, c'est des films pourris, mais viennent de Gladiator, pour moi. Non. Je sais pas, je trouve qu'aucun des deux n'est. De toute façon, je n'aime pas Gladiator, clairement, je le dis clairement, je me fais chier quand je regarde Gladiator. Mais voilà, si on part de ce postulat-là du soldat Ryan, pour moi, tu mets Gladiator dans la même veine. Non. Non. Sans plus d'argumentation. Mais je trouve même ça, tu vois, c'est pas un mauvais film, Soldat Ryan. Et il y a des trucs vraiment bien faits. C'est vrai que la scène de débarquement était super bien faite. Je mettrais d'autres Spielberg avant, alors. Oui, enfin, je ne le mettrais même pas dans mes meilleurs films. Oui, mais dans votre sens de réflexion, je vois bien que ça ne marque pas. Il n'y a pas de scène qui marque. Mais pour moi, dans sa façon d'être filmé, d'avoir relancé toute une autre série de films, pour moi, c'est. Pas fondateur parce que des films de guerre il y en a eu d'autres avant, mais ça presque. Je te dis, alors Gladiator pour moi c'est le même principe. Bah non, pourquoi ça a lancé quoi Gladiator? Mais si, pour moi ça a amené tous les autres films qui ont suivi de type Kingdom of Heaven. Pour toi, ça n'a pas de rapport pour toi? Bah non, moi clairement, attends, moi c'est clairement dans la façon, tu parles de façon de filmer, tu parles de façon de raconter une histoire, tu parles pour moi Kingdom of Heaven. Est clairement inspiré de Gladiator à ce niveau-là. Bah, 3, 300, tout ça, pour moi, ça vient de. 300, je trouve que c'est différent, il ne faudrait 300, pas le mettre avec. Mais bon, bref, ça c'est. 3 éventuellement, mais pas Kingdom of Cap, pas Kingdom of Heaven. Qui sont tous pourris d'ailleurs, tous ces films-là que je viens de citer. Je déteste ça. Je n'aime peut-être pas le genre, mais. je 3, déteste ça. Passe encore. Bon, bref, ça c'est. Ouais, je trouve. Non, c'est pour essayer de trouver quelque chose dans ton sens du soldat Ryan, parce que je suis pas d'accord avec le fait que le soldat Ryan soit. J'ai du mal à voir pourquoi tu le mets en fait, vraiment. Comme je vous l'ai dit, je rassemble culte et fondateur et je le mettrais beaucoup plus dans fondateur. Parce qu'il est vraiment culte. Mais... Moi personnellement, je trouve même pas qu'il est spécialement fondateur. Moi non plus. Pour moi, il n'a rien. Il n'a pas spécialement. Il a peut-être amené des choses sur la façon de filmer la guerre, peut-être. Mm-hmm. Mais il est. Mais en plus, il y en a d'autres avant lui, et il n'a fait que reprendre des choses d'autres pour peut-être les modifier un tout petit peu, y ajouter quelque chose, mais c'est loin d'être le seul. C'était fait avant, ça sera fait encore après. De quoi ? Mais Soldat Ryan, il n'a fait que reprendre des éléments déjà vus avant mais en ajoutant une petite chose. La première demi-heure, non, ça c'est. Tu n'avais jamais vu ça dans un autre film, film de guerre. Mais tu ne l'as pas revu non plus. Si. Question. Sincèrement, le réalisme. Non, je vois pas. Enfin, je vois pas quel film il a inspiré. Hein. C'est ça. Non. Tous les films de guerre, ils sont sortis depuis. Mais il y en a pas eu tant que ça, quoi. Mais si, il y en a eu plein. Je vais pas te donner de faire une liste. Non, mais il y a des dômes. Mais genre, par exemple, tu vas pas me dire que Pearl Harbor, ça s'est inspiré de Saving Private Ryan. Non, Pearl Harbor. De toute façon, Pearl Harbor, c'est très mauvais exemple. Oui, mais c'est le seul film militaire, enfin, de la Deuxième Guerre mondiale que je peux penser là. Et tu peux prendre des séries aussi comme Band of Brothers ou Pacific. Band of Brothers. ça, oui. ça a clairement été Là, un. oui, bah, là, d'office. Ça a clairement eu un impact. Mais c'est logique d'un côté. Hein, oui. Mais. Soldat Ryan et Band of Brothers, c'est la même chose. Hein. Oui, oui, ça, je suis d'accord. Mais. Je pensais à une chose. Est-ce que pour vous, ça j'entends beaucoup le dire, les Matrix sont des films occultes? J'ai hésité, j'ai mis non. Je trouve qu'il y a. Je sais pas, c'est difficile, Matrix. Parce qu'à l'époque où le premier est sorti, je pense que oui, mais les deux autres ont été tellement mauvais. S'il y avait eu juste le premier, je pense qu'il aurait clairement gardé sa sous-culture. Si on parle en termes de technique, d'un point de vue technique, le Bullet Time, par exemple, ils l'ont inventé, ça a été réutilisé plusieurs fois après. Ça vient clairement d'eux. Exactement le même rapport. Donc à ce moment-là, oui, mais voilà, mais justement, c'est ça que je dis. C'est ce que je dis. Donc dans ton optique du soldat Ryan, Matrix alors est une œuvre culte. Donc pourquoi est-ce que tu as mis non ? C'est là que je veux en venir. Matrix est moins bon et moins d'impact. Parce que voilà, pour moi, il a eu même plus d'impact. Il y a eu plus de films qui sont servis du bullet time que des innovations inventées dans soldat Ryan. De films dans le style de Matrix. De toute façon, j'ai pas dit que j'avais forcément raison. Ah non, non, mais voilà, mais justement, comme on débat, j'essaie de voir justement pour abonder dans ton sens ou pas. Et là, pour le coup, bah, Matrix a inspiré pour moi beaucoup plus de films que le soldat Ryan, d'un point de vue technique, rien qu'avec le Bullet Time. Rien que ça, il s'est repris dans plein de énormément dans de films. Dans les jeux vidéo aussi. Même dans les jeux vidéo, dans d'autres supports. Et ça, pour moi, ça a inspiré quelque chose et ça a amené quelque chose encore plus fort que soldat Ryan. Donc, à ce moment-là, ça doit être placé dans culte, dans ton optique. Ouais. Et je pense qu'il aurait été culte s'il n'y avait pas eu les deux suites. Peut-être, même si pour certaines personnes, il reste culte. Mais ça, c'est toujours la manière subjective de voir la chose. Mais... ça c'est enfin bon ouais, c'était la question Matrix ça tourne en rond la tête. Mais ça c'est normal, c'est le style de débat tourne en rond. Mais alors, moi j'avais une autre question, alors je vais continuer avec mes questions merdantes et qui portent à... on a parlé jusqu'à présent, parce qu'on a dit œuvre culte, on a parlé jusqu'à présent que de cinéma. Pour vous, il n'y a pas d'autres... J'ai fait une petite liste d'autres choses. Pour vous, il peut y avoir d'autres choses cultes que... Bah, des livres. Ça peut se situer dans autre chose que le cinéma. Ah, mais je me fais l'avocat du diable, là. Je ne dis pas que je ne suis pas d'accord. C'est ce que j'ai fait, là, les 10 dernières minutes. Vas-y. Donc, ça veut dire qu'il ne nous écoute pas. Il ne nous écoute pas, il fait... Si, si. Dragon Ball. Ouais, vas-y, continue, parce que... Ça se tient. Kata. Vas-y, je vais continuer. Les Beatles. Ouais. Tintin. Oui, bah d'un courant en ligne nucléaire, oui. Mais... Lovecraft, je sais pas si vous avez lu. Certains, ouais. Sherlock Holmes, 1984. Sherlock Holmes, il a cet aspect, comme disait Stetson, les... On adore. Non, mais comment ça s'appelle, les fans de Sherlock Holmes, tu sais, les fans de Star Trek, c'est les Trekkies, et les fans de Sherlock Holmes, ils portent un nom aussi. Ah, je le connais pas. Je vais y rechercher. Mais c'est comme pareil, ça a amené un courant de fans qui sont assidus et qui sont Sherlock Holmes. Il y a une série absolument énorme de fans et d'assidus complets. Donc oui, ça peut être considéré comme culte dans cette optique-là. 1984, je crois que je l'ai dit. Ouais. Steve Jackson et Ian Livingstone, c'est les mecs qui ont écrit les livres dont vous êtes le héros et qui ont, je pense, aussi Donjons et Dragons. Tu aimes les livres dont vous êtes le héros, je hein. pense que c'est eux qui étaient à la base aussi de Donjons et Dragons, ou un des deux, je ne sais plus. Mais bon, ça découle aussi d'un certain sens du Seigneur des Anneaux, mais voilà, la culture enfin, que ce soit eux ou pas, hein, je me trompe peut-être sur les noms, mais que ce soit eux ou pas, les mecs qui ont inventé Donjons et Dragons, moi c'est clairement culte, puisque le rôlisme, c'est quand même un pan de culture. Et eux se sont inspirés, eux, pour le style de l'univers, se sont eux-mêmes inspirés d'une œuvre culte qui est le Seigneur des Anneaux, alors. Voilà, maintenant il y en a plein d'autres aussi, mais comme je vous écoutais quand même un petit peu, totalement. En série, mais c'est fort proche des films, il y en aura plein de cultes, même encore plus, parce que ça crée souvent encore une culture, une sous-culture plus forte. Une série que... Bah Star Trek, par exemple, et clairement, avec les Trekkies sont très nombreux, et je n'arrive pas à aimer cette série, personnellement. Oui, mais c'est clairement... Je dois lui reconnaître son statut d'œuvre culte, personnellement. D'œuvre culte, voire même d'œuvre fondatrice, pour tout un tas de choses. Malgré que c'est une série que je ne porte pas du tout dans mon cœur. Mais non, c'est clair qu'il y a... Bon, voilà, je faisais l'avocat du diable, parce que pour moi, il y a effectivement d'autres œuvres fondatrices de tout un tas d'univers. Est-ce qui parfois même s'inspirent les uns les autres. Comme on le disait, Tarantino a été énormément inspiré, il le reconnaît lui-même par beaucoup de films japonais, d'univers japonais, mais d'anime également. Il l'a déjà déclaré lui-même aussi. Donc ça va même jusqu'à s'influencer les uns les autres. Et pour moi, bah, tu cites Dragon Ball, mais dans le monde de l'anime, il y a énormément d'autres œuvres bien plus cultes que ça. Dragon Ball est vu comme culte chez nous en Europe, parce que c'est... Ah, maintenant, s'il faut faire la différenciation entre culte en Europe et culte en Asie ou en Inde, on s'en sort Mais plus, non, parce quoi. Que Dragon Ouais, Ball... c'est culte ici, hein, Dragon Occident. Ball était clairement... Voilà, est clairement inspiré d'autres choses à la base. Oui, plus Il vient d'autres probablement, choses je m'y qui, pour connais lui, pas étaient assez pour cultes. ça. C'est parce que chez nous, ça a été pour notre génération, en tout cas, ça a été le fer de lance qui passait Bah tout le temps avec comme le Doctor Dorothée et Who, c'est qui... culte en Angleterre. Et ça a Tu sais, clairement un exemple, Goldorak, pour beaucoup de Français trentenaires aujourd'hui, même un peu plus maintenant, c'est l'œuvre culte parce que c'est le premier à être arrivé en France et ce qui a amené la Japanimation chez nous en Europe. Bah, Et leur a fait je ne découvrir, conteste pas le au statut Japon, de Goldorak, culte. c'est la pire des trois séries qu'a inventé Gonagai. Il a créé plusieurs Grandizer et c'est la pire, celle qui a le moins marché et que pour les Japonais, trionné quand tu leur parles de Goldorak. Tu vois? C'est ça que je veux dire par là, c'est que c'est. Il y a d'autres réalisateurs plus cultes pour moi dans la Japanimation, comme Miyazaki tout simplement. Les Ouais, Miyazaki, le bah, studio je l'ai pas Ghibli, dit, mais j'aurais pu. Ouais. voilà, c'est clairement quelque chose. Bon, voilà des œuvres cultes Mais du Dragon monde de la Ball, dans le Japanimation. fait, voilà que ça a marqué Une l'enfance, génération. une génération, dans ce sens-là, c'est Mais là, clair. ouais, on revient à l'aspect œuvre culte, assez subjectif, parce que ça dépend du public touché. Quelque chose Mais peut être ça culte sera pour un toujours public subjectif, de toute que. façon. Bah oui. Tout à fait, oui, là, c'est clairement, c'est la conclusion à laquelle, à mon avis, on peut arriver. C'est que ça restera J'ai essayé subjectif. d'être objectif, mais bon, je sais bien que c'est subjectif aussi, donc. Parce que tu peux détester un truc et... Mais... Bref. Non, mais on peut, par exemple, Tu on peux n'aime pas détester Star Trek. voilà, en lui reconnaissant son, quand même, son Voilà, moi statut de j'ai dit que j'aimais culte. pas Star Wars, mais je reconnais quand même que c'est culte, quoi. Mais si tu vas dire c'est trop populaire, Non, non, machin. c'est pas ça. Star Wars, il est trop difficile à classifier. Mais par contre, est-ce que tu es d'accord quand les films que je disais sont cultes parce que ils ont tous ces. Toutes ces petites choses qu'on se rappelle, comme j'ai dit, Big Lebowski et tout ça. Oui, on peut étendre la définition à ça, ouais. Pour moi, c'est plus ça la définition. Pour Est-ce toi, que c'est plus fondateur, entre guillemets, ouais. que. Est-ce que vous seriez d'accord Mais je suis de... d'accord pour étendre ma définition. J'y ai pensé, enfin, j'aime bien que c'est ça aussi, c'est parce que j'ai réfléchi sur un autre chemin, mais le problème pour moi avec ton truc, c'est que ça pouvait faire de n'importe quel film un film culte. Donc, on ne va Est-ce pas que vous très loin seriez comme ça, quoi. d'accord? Enfin. Vas-y, excuse-moi, je vais finir À après. moitié, par exemple, tu trouves que n'importe quel film pourrait être culte, mais par exemple, pour tout à l'heure, on voyait une bande-annonce de l'agence. Je pense que ce sera jamais un film culte. Ce sera juste un bon film, tu vois, mais il aura rien de Clairement. culte. Oui, mais n'importe quel film avec un peu de charisme, quoi, un peu de... Ouais, c'est pas si courant que ça. Ouais, c'est pas courant. Enfin, si, c'est courant. C'est pas... Il n'en sort pas tous les jours, mais de là à dire que c'est rare, non. Mais il y a le côté, par exemple, que, après je te laisse, The Dark Vas-y. Knight a des répliques cultes, Why So Serious et tout ça, mais pourtant j'aurais du mal à le mettre comme film culte. Mais Dark Knight est encore pour moi un peu trop récent Il est que trop pour. récent, mais. Peut-être que plus tard on verra un aspect culte parce qu'il aura influencé quelque chose, peut-être, mais pour le Comme moment c'est encore ceux de trop. Burton, celui de Burton est considéré culte. Ouais. Je Moi je l'aimais verrais. bien, mais. Moi je verrais plutôt. Bon, ça c'est la petite Celui blague, de hein. Joel Schumacher, il est pas Voilà, culte. celui qui est Ouais, assez si on culte veut, pour une parce qu'il certaine est tellement communauté. mauvais qu'il Mais est pour la marrant. communauté gay, à mon avis, il doit être assez culte. Oui. Non, bref, je voulais juste vous poser une question. Est-ce que vous seriez d'accord, Non. à force du débat, c'est la vision que je commence à en avoir, de classifier, en fait, le mot culte peut être assez galvaudé, utilisé de manière assez large, mais pour voir plutôt trois catégories, on va dire, d'œuvres cultes, on peut le dire en ce sens-là, qui seraient plutôt la première catégorie des œuvres fondatrices qui ont amené quelque chose et à laquelle, même si on ne les aime pas, on doit reconnaître le statut de culte. La catégorie des œuvres qui sont cultes pour un type de culture, qu'on voit cultes, par exemple, pour les geeks, il y a certaines œuvres cultes qui ont fait cette culture geek et qu'on reconnaît comme culte, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, encore une fois, mais seulement pour cette culture, qui ne sont pas reconnues comme cultes par d'autres personnes qui n'en font pas partie parce que ça n'a pas apporté quelque chose, point de vue technique ou que sais-je. Et en troisième lieu, la vision totalement subjective du culte personnel qui a formé sa propre culture. Est-ce que vous trouvez que ça résume bien le propos? Ouais. C'est vaste, hein, donc. Ah oui, c'est vaste, c'est trop C'est vaste. trop vaste, voilà, justement, mais moi je trouve qu'il y a vraiment ces trois pans-là, et que c'est ça le problème quand on discute de culte, c'est que chacun va venir avec son argument en parlant soit de sa vision personnelle, soit de la vision de la culture que lui a et que ça a pu apporter dans cette culture-là ou dans les films que lui aime, et de réels éléments fondateurs, et là de films fondateurs alors et pas cultes. Donc c'est vrai que c'est ça qui fait que le débat peut vite tourner en rond, on peut faire que on tombe jamais d'accord, c'est qu'il y a ces trois aspects-là, enfin, pour moi en tout cas. Ouais, ouais, je suis d'accord avec ça. J'aime mettre des points finaux au débat comme ça, arriver à vous mettre d'accord. On n'a jamais vraiment été en désaccord, on a juste non, chacun pas... nos idées. Il y a chacun des petites choses, par exemple, voilà, le soldat Ryan, on ne saura pas être d'accord avec lui, mais lui ne sera peut-être pas d'accord avec nous sur Matrix ou chose, je ne sais pas, tu vois, c'est clairement. Ouais, si, Matrix, ouais, c'est à partir du moment où je mets le soldat Ryan, je dois mettre Matrix. Là, ouais, là, tu dois le... c'est vrai que tu dois le reconnaître, Matrix a quand même inspiré pas mal de trucs d'un point de vue technique, quoi. Puis on peut. Et Si on faisait par style de film, les films de road trip, il y en a. Tu peux faire par style de film. Il y aura toujours un film culte pour ça, un film culte pour les westerns, un film culte un pour. film culte dans l'humour, un film culte dans le... Voilà, pour beaucoup de personnes, et moi je le pense aussi, La Cité de la Peur reste un film culte dans cette catégorie d'humour-là. Pas dans la catégorie humour spécialement, dans Inspiré cette aussi catégorie par d'humour-là. les Monty Python Mais et tout le voilà, bordel. les Monty Python, clairement, le trio Zaz, même à la limite un petit peu... D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, Monty Python dans le Monty culte. Python, c'est vrai que c'est quand même... Oui. On peut quand même aussi le reconnaître, ce statut-là. Au point de vue de l'humour, en tout cas, ils ont créé pas mal de choses. Ça, je suis assez d'accord avec toi. Mais donc, bref, voilà, c'est... Je crois qu'on va... On restait là. Peut-être conclure avec ça. Et donc culte, bah, c'est très vaste, comme on vient de le dire. Et Comme ma bite. Merci Chauve pour ce moment de velours et de volupté. De volupté en fin de débat. Que dire? Si vous avez des réactions, si on a oublié quelque chose, si vous êtes entièrement pas d'accord avec ce qu'on vient de dire, parce que bon, on n'a pas les sciences infuses non plus, hein. Parle pour toi. N'hésitez pas. Ouais, c'est ça quoi. Je suis sûr que vous allez dire ça, je vous connais. N'hésitez pas à venir laisser des commentaires, on se fera un plaisir de vous répondre dans la prochaine émission, de lire tout ça et de vous répondre ou de vous répondre dans les commentaires, on n'hésitera pas. Et venez continuer le débat avec nous, n'hésitez pas. Oui, Chauve, tu avais quelque chose à Non, ajouter? vas-y, enchaîne, enchaîne. Je t'avais dit quelque chose à dire, mais... Non, enchaîne. Bon, je crois qu'on a terminé là, hein. On a sûrement oublié plein de choses, hein, plein Sûrement. d'œuvres et plein de... Mais bon, On y repensera et... on y reviendra à la prochaine émission ou dans les commentaires. Et maintenant, on va voir... Le défi. Enfin, voir si Monsieur Chauve est parvenu à relever le défi et ce qu'il va nous proposer en retour, hein, surtout. Allez, c'est parti. Dernière rubrique de ce magnifique podcast, après un long débat acharné. Suspense. Chauve, a-t-il réussi sa mission? Je parlais avec Stetson, excuse-moi, Jean, pour Vas-y. préciser, je parlais avec Stetson hors antenne. Quand je disais soldat Ryan, œuvre culte ou œuvre fondatrice, je parlais bien sûr de la première demi-heure. Oui, Et mais. au de la mise en scène, je n'avais pas précisé, je pense. Si, tu as précisé la première ouais. demi-heure. Mais ça m'empêche on pas de disait, pas être d'accord. On mais parce que le que reste du le film film de était générique, très caricatural, mais je parlais bien de la mise et en scène de la première et très patriotique. Mais bon, ça c'est beaucoup de films Ouais, américains bien, quand même. Pire, mais bon, ça. Oui, bah oui, de toute façon, c'est clairement les films américains. Bref, on va pas revenir sur le débat. Ça, on pourra le continuer dans les commentaires si vous souhaitez ajouter des choses par rapport à cette émission. N'hésitez pas. On va donc passer au défi, disais-je. Donc, suspense. Chauve a-t-il aimé le défi de Stetson? En tout cas, je l'ai relevé. C'était Alors, regarder 2-3 épisodes, je l'ai avant, relevé. avant de commencer, juste peut-être repréciser, réexpliquer, je ne sais pas lequel de vous devez le faire, réexpliquer à nos auditeurs de quoi il s'agit, je avant vais le de faire. donner ton avis, peut-être. Ouais. Si tu as un peu le thème, dire de quoi il Le s'agit, pitch. Voilà le pitch. Ouais. Donc, le Oula, défi. Là, à mon avis, on vient d'entendre un gros boom. C'est Stetson qui fait des qui a mouvements cogné. depuis tout à Désolé. l'heure. On entend que toi, moi. Dans le débat, on a dû t'entendre plusieurs fois aussi. Et je sais pas ce qu'il y a. T'arrives pas à te mettre. Non. C'est pas grave. Vas-y, chauffe. Donc, le défi que m'avait lancé Stetson était de regarder au moins 2 ou 3 épisodes de Deadliest Catch. Alors, je refais le pitch de cette série de Real TV mixée avec du documentaire. Donc, c'est des équipes de caméramen qui suivent et qui racontent la vie à bord des bateaux pêcheurs de crabes en mer de Bering, c'est-à-dire entre l'Alaska et l'extrême est de la Russie. C'est toujours diffusé d'ailleurs par Discovery Channel, on en est à la 7e saison. Donc voilà, c'est des équipes qui suivent les équipages de ces bateaux. des équipages assez réduits, puisqu'il n'y a jamais qu'un capitaine et 5 ou 6 gars Ouais, c'est... qu'on appelle des deck end. Je vais introduire plusieurs petits trucs qui vont te prouver que j'ai bien regardé. Des deck end qui balancent les pots, donc les cages pour remonter les crabes, etc. Donc ça, troisième fois que je le dis, je crois que ça raconte la vie à bord des bateaux, ça montre les conditions Ça a l'air très palpitant parce dangereuses. que tu répètes trois fois la même Ouais, chose, donc on se dit, non. mais il se passe rien alors en Ça fait. montre les Bah, pourtant, conditions. il se passe des choses. Ouais, il se passe des choses. Au Ça bel montre les conditions de travail dans lesquelles ces pêcheurs doivent travailler. Et c'est assez extrême comme condition parce que je pense qu'il y a plusieurs bureaux d'études qui ont déterminé C'est que c'était le pour job ça le que plus, c'est ça s'appelle comme ça. ouais, le job le plus dangereux du monde. Même plus Donc, dangereux que ceux qui escaladent des antennes de 540 mètres sans sécurité, là. mais c'est pas un job, ça aussi. Si, si, il y a des gens qui le font. Mais c'est Ils escaladent des les antennes. C'est des statistiques, c'est des Ah ratios ouais. de pertes Parce que ces par gars-là nombre escaladent d'employés. comme Ouais. des antennes. Il y a un documentaire là-dessus. Ils escaladent des antennes d'émissions d'ondes GSM ou autres de plus de 500 mètres sans sécurité parce que sinon ils ont du mal avec la coffre à outils et ils n'y sont pas assez vite que pour pouvoir faire leur quota d'heure. Et donc ils ne s'attachent pas. Ça, c'est plus pratique pour eux d'escalader. Ouais. Donc imagine un peu le truc à 540 mètres de hauteur sans aucune sécurité. Je ne Ouais. serais pas très rassuré. Mais bon, voilà. Mais Faut c'est une question descendre de après. statistique, quoi. Il Ouais. y a beaucoup de morts. À mon avis, dans celui-là aussi. Ouais, j'imagine. Et donc, à part ça. Il y a même une dernière interruption, mais il y a même des jeux vidéo en fait. Oui, Oui, Je il y a vois deux. Je crois qu'il y a deux jeux y vidéo. en a un qui doit encore sortir, il y en a sur un qui est PS3 sorti. ici. Sur Xbox aussi, je pense, ça existe. Je pense que c'était assez mal Qu'est-ce. noté. Ouais. Enfin, c'est du Je les ai pas. marketing. J'y ai pas joué, mais Ouais. il paraît que c'est pas bon. Ça n'a pas l'air niveau des images top. Continue, Ouais, chauffe. donc, outre ces joyeusetés, ça filme les moments de doute pour les capitaines qui ne trouvent pas les bons filons de pêche, ou bien les moments de joie quand ils tombent sur une bonne zone, les disputes entre les marins, etc. Bon, allez, fin du suspense, cette zone, j'ai beaucoup aimé d'être yesquer Il m'a fait douter hein, là-dessus. pendant longtemps. T'as douté? Oui, pas Non, mal. non, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé même, j'ai regardé l'entièreté de la saison Donc t'as 6. vu la première partie de la saison est en général un peu moins. Tu vois, c'est séparé en deux Ouais, il y périodes. a le Le Kim King Crab Crab et et le puis Pilio, Opilio. ouais. Opilio, en général, les conditions météo sont. C'est plus en hiver, donc c'est Ouais. en ouais. Donc t'as le pour situer aux gens T'as deux le saisons de bateau. pêche en fait. Vas-y. Non, mais le bateau se Mais remplit non, de peut-être glace. chaud justement pour prouver entre Ouais, guillemets bah qu'il a si bien tu veux. regardé, qu'il présente quand même la chose, qu'il explique en détail Moi je pense qu'il a que regardé, tu voilà que tu sois sûr qu'il ait mais. regardé. Faut que tu confirmes pour qu'il puisse proposer un défi à Mais quelqu'un. donc, il y a deux. Y a, dans une saison, il y a deux saisons de pêche au crabe, deux espèces Deux de crabes crabes différents. différentes qui sont abordées. Et c'est vrai que la première, bon, c'est toujours très dangereux, mais. Je veux dire, c'est assez spectaculaire, mais ça va encore. Que la deuxième, c'est plus en hiver, et tu vois des 30 cm de neige et de glace sur tous les bateaux, sur le pont, avec les mecs qui courent, parce qu'ils doivent quand même cavaler pour faire leur truc. Donc oui, ça a l'air relativement dangereux. Oui, puis quand on voit l'état des débutants qu'ils appellent, Les Greenhorn. voilà, qui ont l'air quand même. Enfin, il y a certains, c'est peut-être pas dans la saison que tu as regardé, mais certains ont été faire des tours en Afghanistan, en Irak, Ouais. et pourtant ils résistent pas Ouais, à au bout de la. 3 jours, au bout de 3 jours, ils sont morts Donc, complètement. c'est vraiment un rythme intense. Ouais. Bah, parfois, tu vois des trucs, ils bossent 36 heures sans interruption, sans dormir, sans rien du tout, quoi. Et Ouais, c'est. enfin, quand tu vois le nombre de détails auxquels ils doivent regarder pour pas passer par-dessus bord, par exemple, bien garder les pieds collés au sol pour pas se prendre le pied dans une corde et passer par au-dessus, bah ouais, c'est assez. Ça a l'air d'être un job assez costaud, quoi. C'est pas un job de gonzesse. Ils gagnent bien leur vie en Ouais, ils échange, gagnent hein, très mais très bien leur vie. ils ont intérêt. Je pense que j'avais fait le calcul. Ouais, ils gagnent au bas mot sur 2 saisons. Donc, une Mais la saison, ils saison partent King Crab environ. est très très longue. Ouais, Enfin, mais par quoi un bon mois? ouais, mais par contre, la saison Pilio, c'est une semaine et ils Ouais. gagnent dans les 30-40 000, je crois. Non, ils gagnent plus, j'avais fait le Ouais, calcul. mais t'as fait le calcul. Oui, les 2 saisons cumulées. Les moins bien payés parce qu'ils ont moins bien chopé du crabe, ils gagnent minimum 50 000 euros, je crois. Ouais, les 2 saisons, ouais. Ouais. Mais Opilio fait vraiment Minimum, une quoi. grosse. Pour En même temps, 2 mois de il ne travail. bosse, qu'à ces moments-là aussi. Non, non, parce que Je ne les sais pas bateaux. si, à mon avis, ils pêchent autre chose. Ouais, mais pas tous, parce qu'il y a des Ouais. travaux, il y a certains travails, oui, comme Travaux? ça. Oui, mais enfin, oui, certains jobs, allez, Oui, d'accord. qui, comment, où tu gagnes énormément parce que tu ne travailles que sur cette courte période-là et le reste de l'année, tu ne sais pas travailler. Tu vois? Ouais, même si tu gagnes 50 000 euros, et encore, c'est le minimum que j'ai vu en 2 mois, ça fait toujours 2 fois mon salaire annuel, quoi. Donc, y a ouais, moins oui, mais en même temps, ils prennent beaucoup de risques aussi. Donc. Ah ouais. Ah ouais, mais au final, est-ce que c'est si énorme que ça? C'est ça le sens de ma question, quoi. Ben, pour le type de travail et le fait qu'ils ne peuvent travailler qu'à cette période-là. Je pense que pour le type de travail, c'est c'est presque peu. Ouais, c'est vraiment limite, la limite. Quoi. Ouais. Ça dépend un peu de... Sur certains gros bateaux, ils gagnent vraiment beaucoup d'argent parce que le bateau est énorme et donc parce qu'ils ont des plus gros quotas. Ouais. Mais ils peuvent faire autre chose. Hein. Les bateaux sont pas utilisés... Là, on ne voit que ça parce que c'est le plus impressionnant, mais les bateaux sont utilisés pour pêcher autre chose dans les... hors des saisons de crabe. Quoi. Et donc, souvent même, ceux qui travaillent sur le bateau comme deck-end deviennent parfois capitaine du bateau pendant les autres saisons pour s'entraîner pendant les saisons, genre son nom ou bien... Pour s'exercer en vue de la saison. Alors, Chauve. Oui. Bah, deux questions d'abord. Chauve, est-ce que donc, tu as aimé? Tu recommandes? Oui, je recommande. À tout le monde? Ouais. Tu vas regarder plus ou pas? Bah, j'ai regardé la saison 6 en entier, donc il y avait 16 ou 17 épisodes. Mon cousin d'Alaska m'a envoyé la saison 7. La première moitié en Betamax sous-titré. Je suis au 7e épisode, je pense. Mon cousin d'Alaska est en train de me faire parvenir les 5 premières saisons. C'est en cours, attends, je regarde. Il me dit que l'envoi est. Ah, parce que tu fais ça sur ma connexion en plus. Il me dit que l'envoi est complété à 61%, donc ça va arriver à mon avis. C'est en plein on profite de la vitesse de ma connexion pour ça. Bah, mais tu as raison. Vas-y. Non, c'est juste que j'avais pas coupé le truc en partant de chez moi et quand je suis revenu, bah, ça a chopé ta connexion. Par contre, je sais pas si t'as trouvé que je t'avais donné une bonne saison, c'était difficile de trouver une saison. C'est la saison où il y a toujours Phil. Ouais, mais il est mort à la fin. Non, mais c'est pas vraiment un spoil. Spoil. Il meurt pas pendant qu'il pêche, hein. Il meurt. Tu fais une crise cardiaque. C'est un capitaine, le capitaine d'un bateau, tu fais une crise cardiaque. Mais alors, Stetson. Tu penses que le défi est relevé, qu'il a regardé? Moi, je vais ajouter quand même des trucs. Enfin, j'ai trouvé que c'était très bien foutu, très immersif, parce que les caméramans, ben, ils travaillent dans des conditions de merde, donc c'est du caméra à l'épaule, ça bouge. Ceux qui filment ça, ils doivent rendre quasi autant de risques, donc... Même plus, parce que... J'ai lu que dans la première saison, ils se rappelaient tout le temps alors par les capitaines, parce qu'ils savaient pas où foutre les pieds. Ils mettent même en danger le reste parce qu'ils font des conneries, quoi. Donc, comme je t'ai dit, parfois t'en vois qu'ils se prennent les pieds dans les cordes et qu'ils manquent de passer par-dessus bord. Ou même les cages dans lesquelles avec lesquelles ils pêchent, ça pèse 250-300 kilos, quoi. Ouais. Et ils manipulent ça avec des grues, donc parfois ça lâche, ça tombe en plein milieu. Et donc t'imagines que là... Même vu un qui se prenait un gros bloc de glace, il était en train de bosser, un gros bloc de glace de 30 cm sous la nuque, quoi. Qui tombe de la grue, tu vois. Qui tombe de 12 mètres de haut. Donc, faut être passionné pour faire ce job. Ouais. Donc en plus, c'est très réaliste, puisque les mecs qui travaillent, les marins, les pêcheurs, ils ont autre chose à foutre que de s'occuper des caméras sur là, donc ils sont naturels. Je veux dire, quand ils pètent une case, c'est réel, je pense pas qu'ils pensent qu'il y a un mec qui. Je vais dire une chose que c'est les gens qui réalisaient Striptease disaient tout le temps. Ils disent au début, les caméras sont là, on y prête un minimum attention, mais à partir du moment où elles sont là au quotidien, après quelques heures, le réel reprend le dessus. Ouais. Donc la personne va ne plus faire attention et va redevenir comme elle est réellement. Au début, elle fera attention à ce qu'elle dit, elle sera un peu. Elle regardera la caméra tout le temps, et puis après quelques heures, c'est fini, on n'y pense plus, et si la caméra reste là, ben elle reste là et le réel reprend le dessus. Quoi. Donc je pense que c'est le même genre de cas. Ouais, mais surtout que c'est des petites équipes. Plus, d'autant plus là-dedans où ils ont autre chose à foutre que de se soucier. Ben voilà. Ils doivent déjà faire attention à leur vie, donc ils vont pas faire attention à la caméra en plus. Quoi. C'est aussi très, très, très bien produit et monté, puisque la tension est toujours. Oui, c'est toujours arrangé pour que la tension, quand tu as vraiment un truc qui va se passer sur un bateau, ben, hop, t'as un interlude de 2 secondes, tu vois toujours la carte de la mer de Bering où tu vois la position des bateaux. Et à chaque fois que tu vois un truc qui va se passer sur un bateau, hop, ça coupe, tu vois la carte et hop, ça passe sur un autre bateau où il se passe autre chose. Donc c'est très bien monté. Oui, et tout le temps, voir ce qui va se passer. Ça bouge tout le temps, il n'y a pas de moment. La narration est fort bien faite. Ouais, t'as un narrateur. Je vais dire une chose en tout cas. Enfin, moi en tout cas tu m'as convaincu, donc Je vais les piquer à ton cousin d'Alaska pour mes Ouais, longs trajets en au train et secours. regarder une petite saison histoire de. Ouais, franchement, je te conseille. C'est bien aussi, on s'attache assez vite au personnage. Ouais, d'ailleurs, j'allais te poser la question. Il y a un Bien. truc, un équipage que tu préfères? Avant que tu, en fait, j'ai envie que tu me le dises avant que tu regardes la saison suivante où il y a eu deux, trois trucs un petit peu. Ouais, j'aime pas, surtout un que j'aime pas, c'est Bill machin du Kodiak, Ouais. avec sa barbe et ses longs Lui, cheveux. c'est un des nouveaux. Je pense Ouais. qu'il n'est pas encore vraiment habitué aux Non, caméras. il est au saison 6 et il est revenu en saison 7. J'aimais bien le Cornelia Marie, Ouais, il était toujours cool, lui. mais je pense qu'il est en train de se passer un truc dans la saison 7. Ils sont en train de virer le nouveau capitaine. Ouais. Ouais. C'est celui qui est mort, enfin, qui était Je mort dans verrai, je l'histoire. Ouais. verrai. Ne révèle pas tout. Qui est le père des. Enfin, il travaillait avec ses deux fils, donc il garde le bateau. Ou sinon, les autres sont. Par exemple, Phil, tu vas voir dans la saison 7, il a des moments. Donc, c'est le plus gros, c'est Louisard. Ouais. Il a des moments un petit peu extrêmes. Ouais. Ouais. Et C'est Sig, pas par Phil, exemple. c'est Keith. Keith. Keith, ouais, pardon. Phil, c'est. Et Sig était dans les premières saisons assez. Ouais. Était assez froid avec les caméras et maintenant il est sympa, hein. Ouais. Donc tu verras quand tu vas, vu que tu vas C'est regarder les vrai qu'il est saisons. parfois un peu désagréable. Ouais, mais je trouve que Bill s'acclimate aux caméras dans la saison 7. Voilà, ce Kirby nous fait des grands signes. Non, mais pour Dernière ne pas chose. rester un peu dans le timing, mais vas-y, Ouais. continue. Dernière chose, il n'y a pas de sous-titres français disponibles. Donc c'est des accents, enfin, c'est en anglais. Ouais, il y a Parlé parfois par des des pêcheurs, accents. parlé par des pêcheurs Ouais. qui viennent souvent d'Alaska. Évidemment, parfois. Pas tous d'Alaska, Non, mais mais bon, il y a du bel accent, hein, ouais, il y a du faut. bon gros accent. Mais parfois c'est tellement, ils parlent tellement vite que c'est sous-titré en anglais pour les anglophones qui Ne comprendraient comprennent, pas. ouais. Ouais, ça quoi. Et la voix du narrateur est très claire. Tu l'as, on comprend bien quoi. Le narrateur, c'est Mike Rowe, qui a quelques émissions de télé-réalité. Lui, on comprend bien. Mais d'une façon générale, je vais peut-être dire que j'ai compris 70% de ce que les mecs disent, mais c'est pas du tout handicapant Oui, t'es pour suivre le tellement, reste, ouais, quoi. t'es tellement pris dans l'action, dans Ouais. les Et images tu que comprends de toute c'est façon tellement ce qui se passe. impressionnant. Donc voilà, Bah, on peut je valider le recommande. défi Oui, alors. On valide merci le défi, Stéphane, hein. Bah, c'est applaudissements sympa. pour Chauve, alors bravo. Hein. Mais je mettrai un petit applaudissement Merci. en. Wouh! Comme ça, en fond. Te féliciter, alors défi validé. Parfait. Non, c'est bien, Et bah, j'ai bien aimé, beaucoup. dans ce cas-là, tu peux maintenant proposer. Un À défi. ton tour de proposer un défi à l'un d'entre nous. Ouais. Vas-y, Bon, présente-nous. ça sera pour Stetson. Je Étonnant. le savais. Parce que Kirby connaît déjà ce que je vais faire comme défi, donc. J'ai plus de culture que lui, c'est pour ça. Bah oui, voilà. On va. Culture plus vaste, peut-être. Je Je sais m'intéresse à pas. des choses plus vastes, peut-être que non. Je sais pas, niveau film, à mon avis, je te battrais Non, mais largement, justement, mais. voilà, niveau film. Mais Film, série. je suis peut-être plus vaste. Je vais peut-être dans des domaines que Global, t'explores non, moins, quoi. domaine que. Plus global, alors, parce qu'à Voilà. mon avis, Des plus vaste, c'est un domaines. petit peu Oui. difficile, tu vois. Plus global, dans des domaines que tu ne t'intéresses pas. Ouais, Enfin bref, c'est pas là justement. le débat. Donc vas-y. On va changer un peu de registre pour une fois dans Je les suis content défis. parce qu'on parle un peu BD, j'en ai parlé dans les news et on Tu en vas parle dans le devoir défi. lire. Et je te rassure, il y a des images. Non, mais c'est surtout tu l'as au moins. Oui, je l'ai apporté. Oui, ça fait partie des conditions des défis, des règles, donc il est Ouais, obligé. je l'ai apporté. Donc, c'est une BD française en 4 tomes. Donc, ne te tracasse pas, tu ne devras pas en lire 12. De toute façon, je t'oblige pas à lire les 4 parce que c'est vrai que. Enfin, c'est quand même assez long, enfin long à lire. Moi, j'ai C'est apprécié lire pas les quatre, mais un. De toute façon, on n'a jamais obligé. T'as pas obligé de regarder toutes les saisons. Je Non. l'ai pas obligé de regarder tous les épisodes. C'est C'est pas essayer Gaston le Lagaffe but. quoi, tu lis pas la BD en un quart Après, d'heure. s'il aimait, il peut lire tout, Ouais. hein, mais. Mais le défi est de lire au moins les deux premiers tomes. Ok. Donc ça s'appelle la série Monsieur Mardi Gras des Cendres. Et je Ça parle de recommande quoi? à tous ceux qui Ben, je nous vais faire le écoutent. pitch. Donc le pitch, Parce que c'est beau en c'est. plus. Ouais, ben, on discutera, on touchera 2-3 mots après. Victor Tourterelle, cartographe de son état, meurt accidentellement dans sa salle de bain. Il va se retrouver à l'état de squelette comme des millions d'autres, au purgatoire, une planète surpeuplée qui est contrôlée par un régime autoritaire et obscurantiste. Plus ou moins malgré lui, il va se voir enrôlé par la rébellion avec comme tâche d'établir une cartographie complète du purgatoire, afin de savoir où il se trouve vraiment et pourquoi. et ce qui pourrait être tenté afin de sortir de là. Tout un programme, hein? Ouais, je suis pas contre. Hein. Mais ça vaut le coup d'œil, ouais, franchement. Ouais, c'est une excellente série. C'est, bah, tu verras bien, mais ça a un design particulier. Un peu action, un petit peu, intrigue politique, mysticisme, puisque ça parle de purgatoire, etc. Mais là, et qu'il y a quand même quelques créatures étranges. Et quelques, ouais, là où c'est vraiment très très original, c'est que ça prend place dans, sur Pluton, en fait, qui est la planète. Enfin, oui, c'est la planète Pluton. Qui c'est là qui est installé. Qui officiellement n'est plus reconnu comme planète. Oui. Et qui, c'est là qui est installé le purgatoire, donc tous les protagonistes sont des squelettes. Quoi. Ok. C'est fort sombre au niveau des images ou... Oui, un petit peu, ouais. Quand même. Ouais. À la base, c'était en noir et blanc uniquement. Là, j'ai les éditions colorées, mais tu verras que c'est très bleu, nuit, brun, ocre. Oui, c'est assez sombre. C'est, le premier épisode est très noir et blanc, et sur le troisième et quatrième, le mec, c'est vraiment, je sais pas, il s'est déchaîné, t'as des décors superbes, c'est vraiment magnifique. Quoi. Donc, je plus sois. Et c'est un design particulier quand même, il faut reconnaître le c'est pas, oui, mais même au niveau du dessin, de la façon de c'est enfin bon, de toute façon il faut le découvrir, c'est toujours difficile de mettre des mots sur des images et sur des façons de, mais c'est vraiment une série effectivement que je plus sois, je recommande. Donc foncez. 4 tomes, je pense que c'est 48 pages sauf le dernier qui est un peu plus long. C'est écrit par, pour peut-être nos auditeurs, Éric Liberge, comme ça ils ont les références. Le défi, c'est de lire au moins les deux premiers. Ok, ça marche. Ouais. Mission validée. Bah mission pour le cachet du tribunal, mission validée. C'était ça de voir ton défi. Un jingle, enfin un bruit tampon. Voilà, tu les as ici pour lui montrer peut-être. Oui. En live, voir juste sa réaction sur les images. Mais j'arrive. Enfin voilà, donc Stetson, je te recommande cette série. Franchement, tu vas. Enfin, moi, j'ai pris mon pied personnellement et étant jeune, d'ailleurs, je vais la relire. Je pense que si Chauve me le permet, je si les en. Si je voilà, je les prendrai quand Merci. Il aura fini parce que ça fait très longtemps que je ne les ai plus lus. Et ouais, bah, je les ai redécouverts, je les ai lus ce week-end pour pouvoir relancer un peu le truc, enfin lancer le défi. Et mais même dans les dialogues, c'est particulier. Quoi. Ouais, c'est pas des dialogues de bande dessinée classique au sens où on l'entend de milieu clair. C'est délire le squelette. Ça passe. Je m'attendais à, quand vous m'avez dit ça, je m'attendais à plus en style enfer, mais ça c'est plus gris. Ah ouais, c'est très très morne, très. Ouais. Très ça terme, quoi, j'aime encore bien comme style de design. Je ne vais pas lire, mais... Le facteur. Bon, bref, je me remémore en voyant les... Voilà. les images. Mais voilà, pour tous nos auditeurs aussi, c'est... Et il y a combien de tomes, au final? 4. 4. C'est l'histoire complète. Mm-hmm. Voilà, donc si il n'y aura rien bout, après, c'est fini ou bien... Non, c'est fini. Okay. Si tu vas jusqu'au bout... Ouais, c'est sympa à savoir, tu vois, que si je veux lire tout, bah, voilà, si ça ne te plaît pas, bah, tu te forces à finir le premier, histoire de pouvoir lui montrer que tu les as lus. Les deux, il a dit. Oui, les deux, pardon, mais... Après, voilà. C'est une BD, ça se lit quand même pas non plus. En et si tu, sais, si tu sais que ça te plaît, bah comme ça tu peux le finir. Ouais. Bah, le quatrième tome, moi je pense que ça m'a quand même pris quasiment une heure pour le lire. Quoi, parce que c'est assez. Enfin, faut... Beaucoup de texte, ouais. Très détaillé dans les dessins. Et t'as tendance à parfois t'arrêter plus que sur d'autres BD, à un peu analyser. À être... Et il faut. Enfin, c'est pas prise de tête à fond, mais il faut quand même un peu réfléchir. Oui, j'imagine bien, mais je veux dire, c'est pas comme si tu m'avais fait lire un livre. Ou en trois tomes et que tu me disais de lire les deux premiers tomes. 800 pages par tome. Je reprécise bien, c'est une BD. Voilà. Genre, tu vois, tu me ferais lire Game of Thrones les deux premiers. Je te fais lire l'intégralité de Dune, alors tu dois les lire tous, tu n'as pas le choix. Tu as 3 semaines. Tu as 3 semaines jusqu'au prochain enregistrement. Bon, on va commencer. Ah, mais non, c'est quand même pas, faut pas. Non, mais voilà. Enfin, ouais. Voilà. C'est un bon choix de défi, je pense. Je pense aussi, parce que ça peut te faire découvrir un peu de bande dessinée. On parle très peu BD dans le BGS, et c'est une bonne chose. On a essayé, moi j'ai essayé de lui faire découvrir quelque chose que je pensais qu'il pouvait aimer, toi t'as essayé de me faire. D'ailleurs, je subis beaucoup les défis. C'est le principe du défi, en fait, c'est de faire aimer. Deux, Mais c'est vrai qu'à mon avis, c'est parce que Chauve et moi avons plus un background commun, à mon avis, et on a plus de mal à se proposer des choses que l'autre n'a pas... On se connaît depuis fort longtemps, ce que l'un a aimé, il l'a souvent fait découvrir à l'autre. Et vice-versa, oui. Donc c'est vrai que c'est peut-être pour ça qu'on a plus tendance à s'orienter vers toi pour les défis. Mais bon. Bah voilà. Libre à toi la prochaine fois de choisir un de nous deux. N'est-ce pas? Bon, ben on va clôturer cette émission ici alors. Hein, je crois qu'on est arrivé à terme. Donc un magnifique débat, quelques petites news avec un bon retour, une émission bien ficelée, un bon gros saucisson, bien... Un bon gros BGS. Un bon gros BGS bien ficelé. Un peu plus, je vous le mets. Alors, pour musique de fin, pour terminer sur un petit générique, Chauve proposait donc... Le générique d'intro de Deadly Sketch, interprété et peut-être composé, j'en sais rien, je Ouais, m'en je fous crois. d'ailleurs, par l'inénarrable John Bon Jovi. Non, c'est pas It's ça, my life! Oui, je sais, pourtant, mais elle est un peu meilleure quand j'en même. peux rien que cette chanson bien me vient en tête à chaque Oui, fois je qu'on parle sais. de Bon Mais Jovi. c'est culte, hein, c'était dans notre adolescence. Ouais, c'est vrai. Ça peut, oui, effectivement. Mais c'est Bon. de la merde quand même. Écrit par John Bon Jovi et Richie Sambora. Voilà, ah bah c'est son Bah guitariste, je voilà. crois. Donc voilà, un petit Bon Jovi pour changer, pour conclure. Voilà, et donc bah, sur cette bonne musique qui passera certainement en arrière-plan au moment où je vous parle, On se je fais le retrouvera montage. au numéro 10. Ouf, numéro 10, il faudra qu'on fasse ça. Il D'une certaine faudra qu'on fasse façon, une débauche d'alcool, de prostituées slovaques et de. Bah, on va pas. On verra. On verra, voilà. Ou qu'on fasse un truc tout simple. Oui, bon, bref. Oui, on Comme notre verra. DGS classique. Donc, bah, vous retrouverez numéro 10, effectivement, déjà. Donc, il sera certainement enregistré, à mon Au avis, mois fin de du mois de septembre. septembre, hein, je pense. Fin du mois de septembre, ah oui. Très certainement, je Donc, à mon pense. avis, t'auras autre chose à foutre, fin du mois de septembre. Ben, on verra, justement, c'est pour ça que je ne sais pas encore. Faudrait peut-être mieux le faire avant. Mais ça va être difficile pour cette zone, ça. On Hein? en On en discutera après, discutera je hors antenne, on pense. va pas Nos donner genre horaires ne ça. sont pas. Non, voilà, ben, on vous laisse ici avec cette magnifique musique de notre ami John. Bon, je vis pour ne pas le citer. Et on vous dit donc au mois prochain, peut-être, très certainement, pour un numéro 10 du BGS. Et n'hésitez pas à venir sur le site et à commenter, à débattre avec nous si vous. Si Vous vous n'êtes voulez pas que le d'accord, et DSPH si, c'est culte? ou si vous, oui, ou si vous trouvez que pour vous, Marie la descendre est culte, ou que Le Soldat Ryan est un film de merde absolument pas culte. N'hésitez pas à lâcher vous dans les commentaires, en fait, ça. À dans un mois alors. Salut. Ciao. Ciao.